Bonsoir. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen, amen, amen. Nous voici à Yaoundé. Prions donc. C'est toi qui prie, mon chef. Hein? Merci, Père. Nous te bénissons, Papa, pour cette opportunité que tu nous accordes encore, Papa, de nous réunir afin de recevoir encore de toi, recevoir ta parole, Seigneur. Que cette parole que nous allons recevoir ce soir, Père Dieu Tout-Puissant, soit pour nous une occasion encore de nous purifier, de nous laver, de nous nettoyer, au Père Dieu Tout-Puissant, afin que, au roi des rois, nous soyons rapprochés de toi. Nous te rendons grâce, Père Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la maison. La maison ici à Yaoundé qui nous accueille. Comme le Seigneur a dit, quand on entre dans une maison, qu'on la salue. Et nous croyons qu'il se trouve ici quoi, un enfant digne du Seigneur. Amen. Il a dit que le Seigneur, que le, quoi, les bénédictions vont sur cette personne-là. Amen. Alors maintenant, nous allons entrer dans la parole maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors. Je suis à ton service. Je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Non, elle a dit qu'elle veut. Ok. Tu as ta Bible avec toi déjà? Peut-être qu'il faille. La Bible est écrite mieux parce que celle-là, ça peut s'éteindre à tout moment. J'espère que la batterie. Oui, voilà, la batterie est là. Nous te disons merci, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les chambres, sortez, venez ici. On vous attend, chacun avec sa Bible, venez manger. Je crois que ta Bible, elle est du côté là-bas, la grosse là, non? Qui est comme la mienne. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ah, mais ça veut dire que nous avons le même style de Bible alors. Oui, oui, oui, en fait, c'est ça. Voilà. Ah, c'est la sœur Marie-France qui me l'a offert. Voilà. Que Dieu la bénisse. Là-bas en France. Non, mais elle est venue au Cameroun. Regardez quand elle est venue au Cameroun. Regardez. Je crois que c'est la même chose là. Oui, non, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Miss Marco, ça. C'est la vieillesse qui est. La vieillesse qui a vieilli la tienne là. Voilà. C'est un peu bien. Ok, on commence avant, en attendant que les autres viennent. Oui, oui. Nous voici à Yaoundé, contents d'être, nous sommes heureux d'être parmi ceux que tu as décidé d'accueillir chez toi. Oui. Mm-hmm. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Questions et réponses. Nous commençons par quoi? Bon, j'avoue que j'ai pas... Hier, nous avons parlé. Hier, nous avons parlé de quoi encore là? Mais avant que tu ne te retrouves, je te pose une question. Que penses-tu de ceux qui pensent que dans notre époque, ils ne devaient pas avoir des miracles? Ils ne devaient pas avoir des apôtres? Ni des prophètes, parce que la Bible est complète, elle a été donnée une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de prophéties, parce que Hébreux 1, 7 nous dit, 1, verset 1 à 7 dit que Dieu autrefois a parlé par nos pères, par le prophète, maintenant, en ce dernier temps, il a parlé par le Fils. Donc, s'il parle par le Fils, on n'a plus besoin de prophètes. Qu'est-ce que tu penses de tout cela, avec des effets des miracles, que le dernier apôtre, l'apôtre Jean, était le dernier sur la terre qui avait le Saint-Esprit, et qu'il, quand il est mort, il n'y a plus d'apôtres. Oui, moi je pense que ceux qui pensent ainsi vraiment ont véritablement tort. Et je peux m'appuyer par exemple sur le passage de Marc chapitre 16 qui est justement la commission, comme Matthieu je pense 28 et 19 parlent aussi. Donc la commission, c'est-à-dire que les apôtres 7 ont reçu cette commission, mais ils ont transmis cette commission aux chrétien. Donc, quand dire aujourd'hui que les miracles et les miracles ne devraient plus exister, je pense que ces personnes n'ont aucune raison. Bon, est-ce qu'il y a un verset qui dit que les miracles que nous avons aujourd'hui sont seulement les miracles mensongers ou bien les miracles des faux prophètes, ainsi de suite? Est-ce que le Seigneur ou bien un verset dit que dans la Bible qu'il n'y aura que les faux prophètes dans les derniers temps? Est-ce qu'il y a un verset qui dit le dit? Non, non, je ne me souviens pas, d'un verset qui dit que dans les derniers temps, il n'y aura que... Non, non. Je pense qu'il y a des versets, par exemple, quand on prend 2 Timothée chapitre 3, qui parle justement des événements qui pourront arriver au dernier temps. On parle justement de la foi qui va refroidir, des gens qui seront méchants et tout et tout. Mais dit que à cette époque justement il n'y aura plus de miracles, je ne pense pas que c'est comme ça que c'est ce que le verset énonce. Mais est-ce que dans la Bible l'évangile est prêché, ou bien le royaume, c'est parce que l'évangile est prêché pour montrer le royaume, est-ce que l'évangile est prêché sans la puissance du Saint-Esprit? Nullement. C'est-à-dire l'évangile ne peut pas être prêché sans la puissance du Saint-Esprit. Nous savons très bien que le Christ, selon ma compréhension et selon ma compréhension de la Sainte Parole, le Christ étant parti a laissé aux apôtres le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, je crois, jusqu'au retour de Christ, c'est-à-dire le départ de le retour de Christ est là pour annoncer la fin du ministère du Saint-Esprit. C'est ma compréhension. Peut-être que tu pourras... Lisons un passage qu'ils prennent pour soutenir, un seul de ces passages-là, et voyons ce qu'il en est. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Et dans les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont les capitaines de ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 8 à 13. Qu'est-ce que cela dit? Il est bien décrit. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Jusqu'au verset 13. Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour. Là, voilà le verset que les gens prennent pour dire il n'y a plus de miracle, parce qu'on dit effectivement que il n'y a que l'amour, la charité, la foi qui vont demeurer. Et on dit clairement là-bas, au verset 8, que quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et là, sur ce verset, le début du verset, verset 10, ils disent que la parole de Dieu est parfaite. Tout est parfait là-dedans. Donc, ça dit que la connaissance parfaite, les prophéties, que chaque personne donnait les prophéties partielles, des langues propres partielles, ça doit se disparaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que voilà le verset clairement écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il est bien noté dans ce verset que. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Mais ils disent, l'apôtre Paul écrivait ça, ils avaient les lettres. Mais maintenant, le compil de ce livre que nous avons devant nous maintenant, c'est ce qui est parfait. Tout. Le plan de Dieu parfait est représenté là-dedans. Donc, forcément, ce qui est passé va disparaître. Ah, donc, ça veut dire que si c'est là, forcément, ce qui est passé disparaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, voilà dans l'un des versets. Que ces gens qui disent qu'il n'y a plus de puissance pour délivrer, puissance pour guérir, ainsi de suite, que si quelqu'un fait cette guérison, c'est que c'est forcément le diable qui l'utilise en prenant ces passages. Alors, sur quelle base, donc, vous, en tant que prédicateur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que voilà, il signifie que ce qui est parfait est là. Voilà votre Bible que vous en avez lu. Autant l'apôtre Paul a écrit ça, ils n'ont pas les Bibles comme nous avons aujourd'hui. Et donc là, ils disent, l'apôtre Paul a dit, quand la Bible sera constituée, on n'aura plus besoin de toutes ces choses qui sont passées. Ah Maintenant, donc, la Bible étant constituée. Oui, donc ils se réfèrent sur. C'est-à-dire, ils se disent que la perfection est plutôt la parole de Dieu. Oui. Et Jésus est quoi? Si la parole de Dieu est. Puisqu'en ce temps, quand il parle, Jésus n'est plus sur la scène. Jésus a quitté la scène. Il est venu, puisque c'est l'apôtre Paul qui écrit ici. L'apôtre Paul lui-même n'a pas rencontré Jésus physiquement. Oui, mais je dis bien que le verset 10 nous dit que quand ce qui est parfait viendra. Écoutez bien les pensées de cette personne. Oui. Cette personne dit, quand l'apôtre Paul en écrit, il écrit une lettre aux Corinthiens, une lettre aux Éphésiens, ainsi de suite. Oui. Les Éphésiens et les chrétiens de cette époque-là n'avaient que la bouche, les prédications vocales, les prédicateurs qui passaient de lieu en lieu. Oui, il n'y avait pas encore les lettres étaient que constituées aujourd'hui. Oui, ils disent donc, il en a de prophétiser que lorsque ces groupes-là, ces livres, ces 66 livres seront constitués, c'est ça qu'on appelle donc ce qui est parfait. Quand c'est venu, on n'a plus besoin de prophéties, on n'a plus besoin de prophètes, on n'a plus besoin parce que ça sera le rôle des prophètes et des pasteurs. Voilà. Qu'est-ce que tu peux donc leur répondre? Oui, qu'est-ce que je pourrais leur répondre? C'est parce que je n'ai peut-être pas les versets dans ma tête, mais je sais qu'il est écrit, c'est-à-dire que beaucoup de passages qui annoncent le retour véritable du Christ. Oui, mais puisque la parole est là, puisqu'il y a le plan, toujours d'après eux, il y a le plan de rappel du Seigneur Jésus ici. Oui. Comment vivre jusqu'à son retour? Ce qui va arriver au nouveau retour, jusqu'à la fin du monde, tout est là. Donc on n'a plus besoin de prophétiser, on n'a plus besoin de prophétiser parce que tout est déjà dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Si quelqu'un est possédé, c'est parce qu'il n'est pas la connaissance. S'il a la connaissance, il ne sera pas possédé. C'est ce qu'ils disent. Si quelqu'un a la connaissance, il ne sera pas possédé. Par exemple, ils disent que cette Bible-là révèle que si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc si vous voyez un fou, vous lui annoncez la vérité. La vérité, il va lui affranchir. C'est ce qu'ils disent. Et vous soutenez qu'il y a les miracles encore aujourd'hui. Quel argument pourrez-vous le présenter? Vous voyez qu'on a foi à faire Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment. D'autres branches pensent que si vous appelez Jésus, si la personne que vous appelez Jésus n'est pas le Jésus de la Bible, que si vous n'appelez pas Yeshua, Yehoshua, Hamashia, ce ne sera pas Jésus. Vous en avez fait votre pour vous. Bon, à ce moment, donc, ils nous donneront l'origine. Oui. L'origine du terme Yeshua Amashia. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Yeshua Amashia dit que c'est Dieu qui sauve le Messie. Oui, cette signification, ils l'ont prise où? De l'hébreu. De l'hébreu. Oui. Est-ce que lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, c'est. Il parle donc maintenant de votre transcription en langue de votre pays. Jésus. En français ou en anglais, venant du grec. Jésus n'était pas grec, il ne prononçait pas le grec. Voilà autre groupe. Donc ils disent d'après Actes chapitre 4 verset 12, dans votre version c'est écrit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Il dit, si vous prenez ce nom comme Jésus, vous êtes déchu pour toujours. Ça doit être Yeshua ou bien Yehoshua. D'autres parlent de Yassi. D'autres parlent de Issa. Moi je sais que aujourd'hui nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle les traductions. Les traductions. Mais il y a ce qu'on appelle les langues d'origine de l'écriture, qui sont, je crois que tu dois le savoir, l'hébreu, le grec et le. Puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. En grec, oui. Voilà. Donc au-delà de ça maintenant, la Bible, ou bien la parole de Dieu, devrait être divulguée de par tout le monde. Ils disent donc que le nom de Jésus. Celui qu'on appelle Jésus, entre guillemets pour le moment, n'est pas traductible, n'est pas transcriptible. Donc ça doit rester Yeshua. Donc quand vous parlez le grec, vous devez dire Yehoshua. Si c'est le bassa, vous devez dire Yehoshua. Donc ça veut dire que c'est intranscriptible. Donc comme Dieu, par exemple. Dieu quand nous disons donc Dieu. Dieu ici. Oui, oui. Dieu c'est God de l'autre côté. Et il dit que Dieu n'est pas un nom. Donc voilà des points, des différents points. Pendant ce temps, d'autres pensent que Jésus était noir. Même Dieu lui-même est noir. Les anges sont noirs, les patriarches sont noirs. Et on peut te le démontrer parce que Adam, à partir de la terre, la terre est à quelle couleur? La proche de notre quoi, couleur du continent. Et on parle de la localisation en Égypte et toutes les autres choses en Mésopotamie, avec la terre qu'on a été faite là. Et on voit que scientifiquement, on peut quitter des peaux noires pour émigrer vers le blanc. Et non le contraire. En conclusion, Adam était noir, Ève était noire, Jésus était noir, Abraham était noir, les patriotes, les vrais juifs sont les Congolais, une partie de Yaoundé, le Jérusalem se trouvait dans le bassin du Congo, il y a une montagne là-bas, le Saint-Sion. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Ouais. On doit considérer Dieu selon la peau, selon la chair? Non, moi je pense que. Ils disent qu'il faut considérer Jésus qu'on a le servi, parce que si on dessine Jésus qui est le blanc qu'on voit souvent sur la croix dans les films hollywoodiens, alors on a le servi une autre personne. Parce que Jésus a mis en garde que vous pouvez recevoir une autre personne et recevoir un autre esprit. Mais la Bible, s'il faut tenir compte de ce qui est écrit dans la Bible dit, je crois, dans un verset que la Bible parle de l'adoration, la véritable adoration en esprit et en vérité. Oui. Voilà, je pense que c'est sur ce passage qu'il faut se baser et non sur les couleurs de la peau. Moi, je ne pense pas qu'il faut baser la foi sur la couleur de la peau. Non, il faut que vous connaissiez votre identité en tant que bantou, que vous êtes les vrais juifs. C'est ce que ces gens vont assister. Non, ce n'est pas le bantou, je le dis encore, ce n'est pas le bantou. Donc vous parlez d'Israël qui est là physiquement maintenant blanc, que ce n'est pas Israël, ce n'est pas le pays d'Israël dont Dieu parle là-bas. Que la carte a été faussée par les blancs. Que la terre d'Israël, dont on reconnaît maintenant, n'est pas là-bas, en passant par Yaoundé, c'est une autre terre des juifs, en descendant vers le bassin du Congo, passant par le Gabon et autres. Pour atterrir jusqu'où? Jusqu'à la Nubie et autres, là-bas, montant vers la Libye. Bon, moi, je ne vois pas la chose dans ce sens. C'est pas comme ça que je conçois la chose. Je pense que les Saintes Écritures ont donné assez d'éléments. Et comme je le disais tantôt, si je me base sur le verset qui dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, je n'ai plus à me baser sur la couleur de peau telle que ces personnes-là essayent de. Un autre groupe dit que si tu adores Dieu en esprit et en vérité sans identifier ton prophète, tu es en train de servir un faux Dieu. Parce que le Dieu a toujours un porte-parole sur la terre, son prophète messager. Que si tu n'écoutes pas ce prophète messager, il doit donner le salut en son temps. C'est en écoutant seulement son message et en y croyant que tu entreras. Alors il te pose la question, qui est ton prophète? Actuellement sur la terre, si tu ne découvres pas qui est ton prophète, tu es perdu, même si tu crois à la Bible. Oui, moi je pense que ceux qui pensent de telle façon, je crois que c'est le courant musulman, si je ne me trompe. Mais nous savons très bien que les musulmans ont rejeté catégoriquement le Messie. Donc, ceux que nous avons juste parlé sont au milieu chrétien. Oui. Pour les musulmans, eux, signifient que Jésus, si vous les païens, vous en suivez le Jésus de la Bible, vous êtes perdu pour l'humanité, pour l'éternité, parce que ce Jésus de la Bible avait dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Il vous pose la question, est-ce que vous êtes d'Israël? Tu dis non. Entre-temps, un autre groupe dit que les vrais Israéliens, ce sont les Juifs, ce sont les Noirs. Ah bon, si c'est ça la pensée justement des musulmans, ouais, s'il faut peut-être. Mais tandis que Mohamed a été envoyé comme sauveur pour tout l'univers, pas l'humanité, l'univers, on dit que même les étoiles. Même les djinns, même les sols, les visibles et les invisibles. Bon, d'accord, moi je ne suis pas un lecteur de leurs livres. Moi je ne lis pas leurs livres, donc je connais très peu ce qu'ils évoquent, ce qu'ils pensent. Mais pour peut-être battre en brèche leur pensée, cette pensée-là, je crois qu'il y a plusieurs passages qui nous indiquent le salut. Parce que Israël a rejeté son fils, Israël a rejeté son fils, alors son fils est retourné sur les nations. Je pense que quand on prend le livre d'Éphésiens, je crois qu'Éphésiens... Ils disent là, dans ce cas, Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul, qui est le vrai fondateur du christianisme, qui était un dissident de l'idolâtrie judaïque, comme même Jésus, il prêche contre Jésus. Ils disent que quoi? Que l'apôtre Paul, dont tu vas citer dans le livre d'Éphésiens, oui. Jésus n'a jamais vu Jésus-Christ finalement. C'est lui-même qui a conçu sa propre vision et raconté que Jésus l'a rencontré alors que Jésus avait choisi ses disciples à lui, qu'il avait envoyé vers les païens, pas vers les brebis égarés d'Israël, pas vers les païens. Dans ce cas, je leur poserai la question, ce Paul dont ils parlent, ils connaissent Paul à partir d'où? Ce n'est pas à partir de la Bible qu'ils connaissent Paul. Ils disent que entre le maître et le serviteur, lequel est le plus grand? Parce que le maître a dit de sa propre bouche que je n'ai été envoyé qu'au brebis égarés d'enfants d'Israël. En envoyant ses disciples dans Matthieu 15, il leur a dit n'allez pas dans les contrées de Samarie, n'allez pas par-ci, allez vers chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et là, Paul vient dire qu'il a été envoyé encore chez les païens. Donc ils disent que Paul contredit le maître. C'est-à-dire que tu crois Paul, tu es perdu. Et par conséquent, il dit si tu suis Paul, Comme dans le Coran, le Coran dit que Issa va dire en dernier lieu, Dieu va lui demander que Issa, c'est toi qui as envoyé ces gens? S'ils ont dit non, s'il avait fait, tu aurais su. Et dans la sourate 5, Allah dit qu'il érige la religion musulmane, c'est-à-dire que l'islam maintenant, comme sa religion à lui. Donc toute personne doit être islamique pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en dis? En de temps qu'Abou Philippe dit qu'il est la lumière du monde, si vous ne croyez pas en lui comme étant le prophète messager sur toute la terre, vous ne pouvez pas entrer. Et pour être pasteur comme vous êtes, vous devez être consacré par lui. Donc, première chose, vous devez rejeter votre titre et venir en Côte d'Ivoire. Il doit accepter si vous êtes le prophète, vous devez être ses disciples pour Ah, qu'il nous nous convertisse. connaissons des passages également bibliques. Je pense que la parole de Jésus lui-même qui dit que beaucoup de faux prophètes viendront au dernier temps. Il dit qu'il a reçu sa commission d'un ange qui est venu avec l'agneau lui parler en 94. Bon, ça c'est sa pensée. Ça c'est Et il sa dit que votre pensée. livre, votre Bible que vous lisez, vous y croyez. Si vous-même vous lisez, vous croyez mot pour mot, vous n'aurez pas la vie éternelle parce que la vie éternelle se trouve en un prophète qui doit être vivant sur la terre. C'est lui qui a la clé pour faire entrer dans le royaume. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas là pour suivre l'apostasie. Nous avons été avertis concernant véritablement les fausses doctrines. Et donc, moi, je considère justement le point de vue, enfin, la doctrine de Kakoufili comme une fausse doctrine. En Donc, détail, il y a notre Jésus en Sibérie avec une femme appelée Marie de Magdala qui sont mariés. Et il dit qu'il est revenu 2000 ans sur la terre pour pouvoir continuer son œuvre. celui-là, je le mets dans le même paquet que les faux prophètes, donc moi. Et à Douala, au Cameroun, se trouve quelqu'un qui se dit le Dieu sur la terre. Il a son trône exactement avec les vieillards, avec les jeunes filles. Il a la forme de Jésus dont exactement on parle. On ne dit pas Amen, là-bas on dit Néma. Et il est de la population de Douala. Avec le patron du Cameroun. Il s'appelle comment? Isaïe. Donc vous le connaissez. Voilà le Messie au Cameroun. Donc il dit il est Dieu sur la terre. Qu'est-ce que vous en dites? Oh. Ah, vous connaissez déjà ça? Raconte-nous donc justement. Donc au moins, là maintenant, nous avons un témoignage près de nous. Vous avez vu, là, les constituants, ils ont les vierges, ou comment vous appelez les animaux, les quatre bêtes, ainsi de suite, le trône. Comment est constitué là-bas? Vous dites qu'il avait été, comment il se comporte? On m'a dit qu'il a le visage comme Jésus. Quand vous le voyez, et en plus, il fait partie des membres de Ngondo influents Voilà. dans les Il traditions de Ngondo. Est comme Jésus. Il Il est comme Jésus des Nazareth, des images. Des images Il porte le pantalon, il porte la tunique. La tunique blanche. La chemise. Pieds nus. Tout le monde, c'est comme ça. On porte le. Raconte-moi son histoire, comment il en est arrivé là? Parce qu'on m'a dit qu'il a un bâton noir, il est chef dans les zones, il est dans le commandement On va des savoir traditions Ngondo. Comment il est arrivé là. On sait il fait ça, parce que nous, on était partis. Bon, à travers un de nos amis et collègues, Oui. un de nos amis et collègues qui, bon, nous a aussi invités comme ça de venir voir un peu comment, là où il persévère. Et puis, il nous a conduits là. Et puis, bon, nous avons été surpris Vous ne savez pas où vous partiez. Vous ne saviez Non, on pas où vous savait partiez. qu'on part à son église. On savait qu'on partait à son église. Il nous a Donc, invités. Votre collègue là vous a invité à venir dans son église à Oui, dans son Oui. église. Là, Alors, quand on Vous avez dit qu'il s'appelle comment? Écolo. Le prophète, le fils de l'homme qui est à Douala. Il s'appelle le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Namoto. Namoto. Munamoto. Munamoto, le oui, fils de la l'homme. traduction. La traduction de Douala. Munamoto. Munamoto. Oui. Oui, enfin, beaucoup de choses. Il prêche avec cette Bible ce que vous avez devant vous, Bien sûr. non? Il lit Bien sûr. la Bible Mais en envers. Il lit en envers. Il lit à l'envers. C'est-à-dire que quand on quand dit je dis à Amen, il dit l'envers, Néma. Néma, par exemple. On ne dit pas Amen là-bas, on dit Néma. On dit Néma. Et parfois, on commence à prendre les versets du bas pour remonter vers. Quelle est l'explication qu'il donne à cela? Bon, disons qu'on n'a pas. Nous, on n'a pas mis du temps On n'a là. Pas fait ça. Mais vous, ça ne vous a pas surpris qu'on lise la Bible de cette façon-là là-bas? Si. Je dis que ce premier jour, Oui. d'abord, je vais te raconter une anecdote. Nous y sommes allés une fois, je pense. Oui. Nous ne sommes pas allés là-bas. Oui, je veux, donc allons-y maintenant dans le livre. On vous invite, vous venez. Allons-y. Dès qu'on nous a. Enfin, à l'invitation, nous sommes arrivés. C'est vrai que le frère en question nous a prévenu de la tenue que nous devions porter. Oui. Oui. Donc, tu je me rappelle. Oui, du enfin, blanc, blanc. Oui, mais il nous a demandé de porter du blanc. Oui. Bon, moi, je n'avais pas de blanc. Je l'ai aussi prévenu que je n'ai pas de pantalon blanc. Oui. Mais j'ai quand même dit, une OK, chemise. tu peux mettre un pantalon noir et une chemise blanche. OK. Moi, je me suis dit, j'étais donc Et madame était en blanc. Madame était en bobo blanc, oui. En robe blanche. Oui. Et on avait donc un neveu qui était avec nous. Qui aussi, lui aussi, s'est mis dans les conditions. Et donc, arrivé là-bas, la première chose qui m'a marqué, c'est qu'on nous a demandé de nous déchausser. Parce qu'on n'entre pas à l'église qui est considérée comme la lieu sainte. Saint. Oui. Voilà, le lieu saint. Là, c'était situé où, cette église, dans ce moment? C'était même où, là? Ici, derrière... C'est à Yaoundé, ici? Oui, l'église est derrière Soukada, oui, derrière l'université catholique. Mm-hmm. Et c'est à Yaoundé? Oui. Donc, il est aussi à Yaoundé? Il y a une branche, oui. Il a des branches. Il y a une branche aussi à beaucoup de monde. Il a au moins 3 branches ici à Yaoundé. Waouh. Mmh. Ah, mais je pensais que vous étiez à Yaoundé, à ce endroit-là. Non. Bon, et ici, c'est lui qui officiait en ce jour-là. Oui, ce jour-là. Donc, il était venu ici. Mmh. Ok, racontez-nous donc. On enlève les chaussures. Nous allons voir les chaussures, on entre. Bon, il commence des louanges comme dans toutes les autres. Mmh. Les louanges ne sont pas chantées en envers. Non. Sauf que. Et d'ailleurs, nous avons été flattés par les louanges que chantaient ces gens-là. On a trouvé que les louanges étaient très à toucher la non, chair. Pas les instruments, c'est beaucoup plus les paroles. Les paroles. Comme c'est un peu traditionnel, c'est un peu... On chante à Douala, ça touche en français. On chante en français. On chante en langue, dans les langues, même en Mais plusieurs cantiques, on met plutôt le nom de. Du fondateur. De Néma. D'abord, dans les prières, c'est pas Amen. Ce n'est pas Amen. Néma. Néma. Oui. Oh, non. Souvent, tu entends les Dja. Dja. Dja. Mm-hmm. Voilà, les choses sont ça. Et Jésus-Christ de Nazareth, on ne fait comment de lui? Non, Jésus-Christ. Voilà, leur fondement, c'est que les gens sont en train de se tromper sur Jésus. Jésus, en réalité, est présent au milieu. N'est jamais venu en chair et en os. Oui. Voilà leur... Que Jésus, ils disent que Jésus n'est jamais venu en chair, et en os. Oui. Et que c'est lui le Jésus matérialisé, voilà. Mmh. Voilà le terme. C'est le mot. C'est lui-même qui a dit cela. Oui. Lui-même a dit ça de sa propre bouche. Mais oui. Enfin, je ne me souviens pas que c'est ce nom. Il n'a pas prêché comme ça, là, mais c'est ce que ses disciples. On dit de lui que lui, il est Jésus matérialisé. Il est le Jésus matérialisé. Mmh. Donc, mais avant que vous n'y allez, vous avez lu au moins la Bible une seule fois. Oui, bien sûr, parce que justement, pendant qu'on y était, donc, quand j'ai vu les Néma, les histoires qui étaient à l'envers, et quand j'ai même entendu les que. Les femmes qui crient là-bas, comme. Les prophètes, les prophétesses qui font des cris. Alors, quand ils m'ont annoncé cette histoire de Jésus n'est pas venu en chair et en os, c'est lui le Jésus matérialisé. Directement, moi, ça m'avait renvoyé sur le passage de Jean chapitre 4, verset 4. Oui. Et à partir de ce verset, je me suis rendu compte que je suis arrivé chez des sorciers. Oui, parce que dans ce passage de la Bible, les quatre fois, on est tous, nous prouvent des esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prouvent qu'ils rejettent que Jésus n'est pas venu dans la chair. Voilà. Donc, à partir c'est venu comme ça dans ton esprit? Oui, non, c'est venu. Mmh. Après, moins. Déjà, pendant que nous étions là, ce verset est venu dans mon esprit. Mmh. Oui, j'avais déjà ce verset. Et là, il y avait du monde. Beaucoup de monde. Oui. Il a beaucoup de monde. Mm. Et donc, après ça, quand on a fini justement le culte, on est sorti. La réaction de mon petit neveu là. Attends, il pose la question d'abord. Restons dans le culte. Mm-hmm. Là-bas, on adore qui? On sait qui? Néma. Lui qui est là assis. Oui. Donc, comment les gens le voient quand ils vont le saluer? Ouais, puisque les gens. Puisque il se dit Jésus matérialisé. Donc ça veut dire que les gens l'adorent. Oui. Oui, il se tient à un mur comme ça. Il a son trône quelque part positionné. Oui. Il a son sanctuaire. Oui, il a même une chaise. Spéciale. Oui, une la grosse chaise. Bizarre. Avec les symboles. Dans son, dans son sa tunique, là, sur sa tunique là. Oui. Derrière le dos, il y a deux. Des trucs gammés. Non. Deux bâtons. Deux bâtons. C'est exactement comme ça. Comme le bâton catholique là, qui traverse forcément. Ça, c'est le comme la canne catholique. Voilà. Mais mis en Nice, en Nix. C'est exactement ça. Mm-hmm. Donc, c'est le symbole kabbalistique. Mm-hmm. C'est le symbole kabbalistique. Que c'est lui, Jésus, qu'il est venu mourir sur la croix de Golgotha. Ils vous ont montré sa blessure là-bas? Non, c'est que il avait bu un soir avec ses attendez, amis. Attendez. Ils sont partis boire au bar. Attends doucement. Qui donc allait boire au bar? Jésus là. Jésus là, avec ses disciples. Mm-hmm. Donc, non, il a dit raconté une histoire du passé. Non, quand... il ne raconte pas, c'est ce qui est arrivé. Okay. Et après, donc, que ce soit arrivé, l'un de, puisque nous n'étions pas, oui. l'un de nos frères, l'un de ses disciples frères. Oui. Un frère à vous. Oui, un frère à nous, je crois. Il venait nous dire que même l'autre. Là, ah oui, moi, j'ai même mon cousin direct qui fait partie. Il faut qu'on aille rendre visite, comme il disait à Sia. Il est même venu à la maison, il avait la bande collante, il avait les blessures. Qui ça, le Jésus là On l'avait tapé ou c'est quoi il est venu On l'avait agressé. Il était venu à Simalène. On l'avait agressé. Il est venu chez vous. Oui. Non. Donc vous n'avez pas accueilli Jésus à la maison. Il était venu, ouais, tu as oublié. Il n'était pas papa et ça, il était là-bas. Donc ils sont partis boire, ils ont bu, ils ont saoulé. Maintenant on l'a agressé. Non, tu confonds. Attends, Franck, tu confonds. Tu es vraiment en train de confondre. Papa Isaïe n'est jamais venu chez moi ce matin. C'est plutôt, tu confonds avec les Bilibi. C'est les Bilibi qui sont venus à la maison, ils ont bu. Oui, mais Papa Isaïe a bu, il est tombé dans le fossé. Non. Bilibi, c'est celui dont vous avez dit dans la première partie où ils ont fait le diplôme. Ils ont bagarré à l'hôtel. Papa Isaïe, on l'a agressé en Vogada. Oui. Au Vogada, les gens me chèquent en camp là. Donc en Vogada, on a monté Kavu. Oui. Et puis ils ont dit que la montée là, c'est le mont Golgotha. Voilà. C'est lui qui a dit ça. Oui, ça, que c'est pour ça qu'on l'a agressé là-bas, son sang a coulé sur le mont Golgotha. Attends, c'est à l'issue qu'on a agressé qu'il a nommé ça Golgotha. Non, ils disent que ça s'appelle comme ça, comme Vogada. Bon, en fait, parce que Vogada, il y a une colline là-bas. Oui. Que c'est le mont Golgotha, c'est pour ça que c'est là où on l'a agressé. Son sang, il était blessé, il avait la bande collante partout. Et là, c'est ça, au milieu de l'assemblée, il en a dit aux gens comme ça. Oui. Ce que même ces disciples ont dit. Jusque là, ils le suivent toujours bêtement. Qu'il allait boire, on l'a tapé en boîte. Je ne peux pas dire que c'est bêtement. Oui, ils sont déjà. Voilà, j'ai demandé alors à Moukoui que, comme il est alors fils de l'homme, quand il va mourir, ça sera comment? Il m'a dit que non, il ne va jamais mourir. Quand le temps, il a de vieillir. Oui, qu'il ne va jamais mourir, qu'un jour, il va seulement disparaître comme ça, on ne va plus le voir. Oui, et quand là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les disciples? Ils vont toujours l'adorer. Bon, ils ne donnent pas toutes les explications. Donc, si je comprends très bien, c'est cette Bible, ce qu'ils lisent, mais ils lisent toutes les certaines parties. Certaines parties de la Bible, les endroits où on voit le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, et les disciples ne croient pas en lui, comme dans Luc 24, où il se présente devant ses disciples, regardez mes mains. Justement, tu essaies donc d'aller dans la profondeur. Si tu veux discuter Bible avec eux, oui. À un moment donné, ils te disent que non, la Bible même, c'est trafiqué. C'est les gens qui ont écrit ça. Que voilà le fils de l'homme lui-même. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Donc on a tenu quelques discussions avec eux. Oui. Ils commencent. Quand ils voient que tu es. Tu les coinces. Oui, tu les coinces. Oui. Quand ils voient que tu es un peu éveillé, ils le rejettent. Même pour les cantiques, là où on met Jésus, ils mettent. Néma. Vous connaissez ses parents. On n'a pas parlé de sa naissance. Là où il est niqué, ses parents. Je ne connais pas ses parents. Et là aussi, on fait les collectes. Bien sûr. Ouh là là. Là-bas, alors, les sacrifices naturels, là. Puisque le frère en question s'était fâché contre nous. Pourquoi? Parce que, comme on avait déjà le problème que l'infertilité, oui. Il est venu nous dire que le papa l'a dit qu'il faut que je vienne, qu'on cause. Oui, c'est quel papa, le fils de l'homme? Le fils de l'homme. Oui. Donc, moi, je suis partie causer avec lui. Comment tu veux partir comme ça, là? Assieds-toi, tu nous parles de la conversation. Tu as rencontré le fils de l'homme à Yaoundé. Oui, dis-nous quand même, c'était un privilège. Oui, ça, c'est quand même un privilège d'avoir parlé avec le fils de l'homme. Et puis, il m'a dit que. Le fils de l'homme lui-même. Oui, j'ai parlé avec lui. Votre épouse, elle a le privilège d'avoir parlé avec le fils de l'homme, celui qui habite dans le ciel. Il m'a dit que c'est mon père qui m'a mis dans un cercueil. Oui. Il a enterré mon ventre là. Donc, maintenant, il a demandé. J'ai l'impression que chaque jour que tu suis une nouvelle chose. Raconte-nous, ma soeur. Il a demandé 50 paquets de miondo. Ça, Ça, là, moi, je suis pas au courant. Hein. Là, là non, tu découvres vraiment comme ça, là. Ouais, peut-être qu'elle a oublié. Non, j'ai oublié. Et non. Les poissons. Attends, 50 poissons, miondo, c'est ce qu'on attache au Cameroun, le bâton, oui. De manioc où on attache. Mm. Pour, et les gens des doigts, là, aiment ça traditionnellement. Oui. Donc, ils demandent ça, 50 paquets. Oui. Oui. Ça, c'est Jésus qui demande ça comme ça, le fils de l'homme. Mm-hmm. Tu veux manger le miondo? Et... il a demandé le poisson, il a demandé. Qu'est-ce qu'il dit des poissons particulièrement? Il disait que le poisson, les bons poissons. Les capitaines, oui. Tu filmes ça bien. Et les chèvres. Oui. Combien de chèvres? Je pense qu'il avait dit 2 ou 3. 3 chèvres. Et il a demandé 250 000. Oui. Et puis maintenant, moi j'ai. Tu as dû me raconter. Voilà. Non, non, puisque tu n'étais pas là, il avait le privilège de causer le fils de nous. Laisse-la causer, oui. Je lui ai alors dit que, ouais, papa, tout ça c'est beaucoup. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit que non. Que c'est ce que Dieu a dit que j'apporte. Moi-même, je vais voir comment tous ces problèmes-là vont finir. Il va déterminer ton ventre entre je vais venir, toute l'église va prier sur moi, on va me consacrer là-bas bien, même mon mari va venir. Donc, mon mari a commencé à dire que lui, il ne part plus là-bas. Mm. Je suis rentrée, je lui ai dit que, ouais, papa, on nous dit d'apporter 250 000 avec les là, c'est à ton mari que tu te rends compte maintenant. Oui, avec les millions d'or, avec tout ça. Le million d'or à vos fils de l'homme. Il a dit que lui, il n'est pas d'accord. Mm. Maintenant, et Colo, le frère, là, est venu me dire que... Le frère qui vous a amené là-bas. Oui, que comment... Il est allé la voir. Oui. Comment... Sans plus moi. Oui. Comment on veut nous donner la délivrance et on fait comme ça. Oui. Il faut que je sache que c'est... Là, le fils de l'homme lui a parlé, il est venu vous parler ou bien... Oui. Que il faut que je sache que c'est la femme qui tient le foyer. Donc tu peux manipuler ton mari. Il ne faut pas que je laisse. Oui. Que je dise à mon mari, je suis venue dire à Marcelin-là que lui, il n'est plus là dedans. Mm. Il refuse. Mais pas de lui, tu as cherché un peu le truc pour faire ça. Non, j'ai alors dit à Colo que vraiment, nous, ceci, vraiment, j'ai été poli là, que vraiment, c'est dur, nous, on n'a pas l'argent là. Aller acheter maintenant 50 paquets de miondo, même c'est assez cher. Les poissons, tout ça. Mais est-ce que c'était pas la charité qui a fait. Il y a plus des chèvres aussi, plus l'enveloppe. Oui, de 250 000. Donc au total, ça pouvait monter dans les 3 millions environ. Combien? 2 millions. Non. Les chèvres, les poissons, les miondo, peut-être dans les 700 000. Oui, bien. Oui, à peu près. Il avait toute une liste. Hein. Est-ce que moi j'ai bon, pour donner ça, pour que Dieu puisse maintenant agir, déclencher la délivrance. Donc, il a vu qu'on a refusé. Oui. Il était très fâché. Le fils et de l'homme Colo, non. Son frère, là, oui. Il bon, était très fâché. Oui, mais je note que, comme il a vu la réticence, il a dit que moi, je n'en passais pas. Oui. Bon, ça fait qu'il a causé beaucoup de choses il avec elle. Il passait plutôt avec elle. Et donc... Il m'en voulait peut-être, oui. Mais moi je ne savais pas. Mm. Pour dire vrai, je ne savais pas. Mm. Et c'est vrai qu'elle m'a rendu compte que voici les choses. Je lui ai dit que non, vraiment là. Mais pendant ce temps, vous êtes allé dans ce sens-là combien de fois? Dans ce sens-là? Je dis moi, nous là, une et une seule fois. Non, okay. Toi, tu n'es pas parti la deuxième fois. On est parti une deuxième fois avec Dédi. On est parti une deuxième fois. Avec moi? Oui, tu étais un homme. On est parti une deuxième fois. Pendant qu'on prie, vous priez aussi le monsieur qui est assis sur le trône. Jamais. C'était trop mal. Donc même toi aussi, tu savais que c'était faux. Je voyais que ce n'est pas... C'est particulier. Mais quand dansais, tu dansais aussi quand même. Tu bougeais. Oui, il y avait les... Le slow chrétien là qui était très bon. Non, ça je voulais te dire quelque chose. Peut-être qu'avant d'arriver à la situation de notre frère qui où il est, il allait la voir pour demander toutes ces choses-là. Mm. Je crois que c'était la deuxième fois. C'est pas si la première fois nous sommes partis, on n'était pas venu dédier notre neveu. Mm. C'est la deuxième fois nous sommes partis avec lui. Mm. Or, la deuxième fois là, quand nous sommes arrivés avec lui, là, lui-même, ancien pentecôtiste. Oui. Qui s'assène de dire là? Oui, le neveu en question. Mm. Il a suivi toute cette scène-là. Mmh. Il était gonflé là. Mmh. Dès que nous sommes sortis, son premier propos est que tonton, Osalam Pembawa ou Matobouya ne m'amène plus jamais à ça. Mais quand il y avait d'abord la danse, vous dansiez. Parce que vous ne savez pas ce que vous attendez. Non. Pour dire vrai. Il y a de belles louanges là-bas. Oh. Pour dire vrai, ça dépend de moi. Mmh. C'est que bon. Qu'est-ce que je veux dire? Il fallait être poli. Mm-hmm. Nous sommes arrivés. Mm-hmm. Le seul fait que l'on m'a demandé, le seul fait qu'on m'a demandé d'arriver. On a composé une chanson à son nom. Ah, donc t'as chanté à ton honneur. Ouais, oui. Directement seul, là. Je dis, le seul fait qu'on a demandé d'enlever les chaussures. Oui. À partir de ce moment-là, moi j'ai mon cœur. Mais dans ce cas, pourquoi, malgré que le cœur n'y est pas, vous ne savez pas, est-ce que vous ne voyez pas quelle faute spirituelle vous pouvez faire au point où vous pouvez porter les esprits dans les endroits, malgré que vous savez que ça c'est faute. Honnêtement, pourquoi ne faites pas un chemin retour? Je vais répondre. À ce moment, on n'avait pas cette connaissance radicale. Oui, de l'implication des esprits. Oui. C'est bien après que moi j'ai compris que mais pas c'était dangereux. Nous sommes allés à des endroits et à des endroits. Mmh. C'est bien après. Mmh. Parce qu'en allant celui-là, nous étions encore à toute notre première église pentecôtiste. Mmh. C'est-à-dire là où on nous a même baptisés. Mmh. C'était la toute première fois, pendant qu'on y était. Mmh. Parce que ces deux frères nous ont demandé, mon frère m'avait demandé que où est-ce que tu persévères même. Oui. Je lui ai dit non, je persévère à un endroit comme ceci, comme ceci. Mmh. Il a dit ok, nous viendrons vous rendre visite. Écoute très bien. Oui. Un jour, je leur ai tout simplement indiqué le chemin. Oui. Que bon, il y a une église, vous faites comme ça, vous marchez comme ça. Enfin, ils ont dit ok, nous viendrons vous rendre visite. Oui. Ma surprise, c'est que leur visite, ils arrivent comme ça là. Oui. C'est-à-dire. C'est en surprise. Oui, en surprise. Oui. Ils entrent dans la salle. Oui. Le pasteur. Attendez, dans notre église. Oui. Le pasteur aussi. Mm-hmm. Je crois que je t'ai déjà parlé de ce pasteur. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'était l'onction satanique. Oui. Lui aussi, il avait son onction. Oui. Il a senti la présence des personnes pas bonnes. Dans la salle. Dans la salle. Oui. Parce qu'à la fin du culte, il m'a demandé, ancien. D'ailleurs, ils sont partis avant la fin. Ils sont sortis avant la fin. En 4 minutes, ils sont sortis. Ils sont venus leur rendre visite là-bas, attendu qu'ils ont en pleine prière. Oui. Ils sont entrés discrètement, ils sont restés. Ils étaient au fond avec nous là. Ils sont restés, ils ont suivi. Après un temps, ils sont sortis. Le pasteur a remarqué des personnes étranges. Mais comment tu dis qu'il a remarqué? Qu'est-ce qu'il a dit pour ça? À la fin du culte, il m'a dit que mais ancien, il y a des personnes qui. Il a dit que non, ce sont des personnes qui sont venues me rendre visite. Oui. Et effectivement, non. Tout à l'heure, je t'ai parlé de 1 Jean 4:4. Oui. 1 Jean 4:4. Oui. Le pasteur en question, c'est le pasteur qui m'a dit lis 1 Jean 4:4. Oui. Que des personnes qui sont venues, sans les connaître. Oui. Il a eu. Enfin, je ne sais pas si je dois aujourd'hui dire révélation. Oui. C'est lui qui m'a dit que ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes. Oui. Mais malgré cela, après, vous êtes allé quand même chez eux. Non. Ou bien c'est à l'issue de cette invitation. C'est à l'issue du fait de quand vous avez. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils nous ont rendu visite. Oui. Après, nous aussi, nous sommes. C'est après que nous sommes aussi allés. Et là, vous avez une envie maintenant, c'est que le pasteur avait dit vraiment. Oui. Oui. Et avant cela, bon, la petite connaissance que nous avions déjà, enfin moi j'avais déjà, il y a plein de choses qui n'ont pas donné. Mais là je pose la question, vous avez dit que plusieurs personnes le suivent et ils continuent à. Pour cette femme-ci, elle a demandé 50 paquets de bâtons de manioc, de mion d'or, poissons séchés, les chèvres, avec 250 000 francs pour délivrer son ventre de la main de son papa. Il y a des gens qui. C'est seulement, elle est un cas parmi tant d'autres. Il y a des gens qui spolient comme ça pour pouvoir manger. Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à y aller? Mais lorsque tu es déjà sous l'effet de comment je vais appeler ça, de l'envoûtement, oui. Il y a donc, enfin, ce que moi, ma compréhension aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est un groupe de personnes où, par exemple, je prends le cas de celui-là qui est notre collègue et qui est dedans, qui est aujourd'hui est consacré sacrificateur dans ce voilà un peu les termes qu'ils utilisent, terminologie qu'ils ont. Il est consacré sacrificateur. Donc, je voudrais dire quoi, il est déjà imprégné dans leur histoire là. Donc, il fait partie justement de ces collèges. De ce collège de. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Et donc, ils savent exactement ce qui se passe. Bon, est-ce que c'est considéré comme des chrétiens? Il dit des gens qui vont se considèrent aussi comme des chrétiens, comme les autres personnes. Oui, et ils se considèrent comme des véritables chrétiens, que les autres qui suivent Jésus s'embrouillent. Que c'est eux les authentiques. Dans l'amour, que c'est eux les authentiques. Puisqu'ils ont les Jésus physiques. En fait, eux, ils parlent beaucoup plus de la loi. De la loi. Voilà. Ils parlent beaucoup plus de la loi. Voilà. Et ils disent que. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la Bible, il a amené les gens sous la grâce, et il vient encore amener les gens sous la loi. Voilà. Enfin, certains aspects de la loi. Voilà, certains aspects de la loi. Puisqu'il parle avec les différents cavaliers de l'Apocalypse et c'est autres. C'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Donc. Quand j'en ai cantique là-bas, partout il y a Jésus. Oui. Au bel dos. Bon, donc il y a les âmes qui sont un peu flattées de par les cantiques qu'elles font là. Tu vois un peu là, très facilement, si tu es quelqu'un qui s'aide un peu dans les cantiques là, ça peut t'amener. Parce qu'ils ont des cantiques vraiment enlevés et tout. On a parlé de là-bas de l'initiation des symboles pour pouvoir déclencher les visions. Bon, on n'a pas eu le temps. Je sais pourquoi ils en ont parlé. Si tu as écouté cela, je vais y entrer. On va parler des initiations des symboles, comment être initié. Il y a un maître qui est initié pour voir comment avoir les visions et en traçant les symboles. Moi, on m'a dit là-bas que les femmes qui sont là, toutes là, on a ouvert leurs yeux. Pour qu'ils puissent voir. Elles sont là, ce sont les voyantes. Oui. C'est comme ça qu'on les appelle. Les voyantes. On les appelle là-bas les voyantes, oui. On t'a dit comment les initiations se passent? Non, on n'a pas vraiment, on n'est pas resté suivre leurs enseignements. Comme on a vu comment ils sont, on a commencé à. Vous avez tracé directement. Vous êtes rentré dans votre Bible. Dans notre. Avant d'aller maintenant dans les écoles bibliques où on va donner où les jours de diplômes, on bagarre, les pasteurs boivent un peu de calibre. Bon, on doit plus y revenir. Maintenant, nous avons commencé à apprendre étape après étape depuis les personnes qui régnaient les miracles, en citant les prophètes et les faux prophètes, ainsi de suite, et ceux qui disent qu'ils sont les messies. Il y a notre groupe encore qui disent qu'il est le premier-né, que Jésus est le premier-né, il est le second-né, le deuxième-né. C'est lui seul qui a été établi par le Père comme un enseignant, et il enseigne maintenant la Bible, que Dieu, c'est l'Oba. On ne peut pas dire autrement, on vous appelle autrement. Vous appelez Jésus, c'est votre problème, c'est Christ. Le Christ était le premier né, il est le deuxième né. En dehors de lui, il n'y a pas d'enseignement sur la terre. C'est lui seul qui a été authentifié par le Père. Il a reçu le véritable Saint-Esprit de Jean 20-22. On l'appelle Loba. On l'appelle Dieu Loba. On ne peut pas l'appeler n'importe qui, Loba. On doit appeler, je crois que Noumé, il y a les noms Noumé pour l'apôtre Paul, pour Marie, ou pour qui. À Noumé aussi, ils ont les noms d'oie là, qui sont donnés avec l'afro. Ils ont dessiné l'afro, avec l'afro sur la tête. L'autre, le Christ avec afro sur la tête noire, avec le bouc, ainsi de suite. Bon, je sais que dans mes multiples recherches dans le net, dans YouTube, je vois un peu un jeune homme aussi qui parle justement de Loba. Oui. Loba, il parle un peu rapidement comme ça. Là, j'ai déjà rencontré, j'ai même déjà téléchargé un de ces trucs pour écouter. Oui, après, il est aussi doigt là comme ça, mais peut-être il ne veut pas de million d'hommes, mais il est le deuxième né. Qu'est-ce que vous en dites? Il était là à la création quand Dieu créait tout l'univers et au-delà. Bon, non, celui que j'ai suivi là, non, lui ne dit pas des choses comme ça. Ok. Alors, maintenant, on le finish maintenant. Je crois que tu avais quelque chose à raconter par rapport à ce million d'or. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas trouvé le million d'or finalement? Comment l'histoire s'est achevée? Votre histoire des million d'or et les 250 000. Ils se sont fâchés contre nous. Oui. Que nous, on a refusé de venir. Alors, parce que quand je suis venue, j'ai dit à mon mari que on nous demande comme ça. Que le monsieur a dit qu'on va nous mettre dans le cercueil. Oui. Pour te délivrer. Oui. Deux ans, un cercueil, ils vont acheter le cercueil. Il faut entrer dans le cercueil pour faire le rituel. Donc, pendant que le Seigneur Jésus sort les gens du cercueil, le fils de Naïm, lui, met seulement les gens dans le cercueil. Donc, comme il m'a dit que jamais on ne fait pas ça. On refuse pas la délivrance du Seigneur. Non, les gars là n'étaient pas contents du monde. Et depuis là, vous êtes vu encore? On s'est vu, mais il était devenu un peu négatif. Jusqu'aujourd'hui même. Oui. C'est mon collègue. Fâché. C'est vrai qu'ils ont fait comme ça qu'on a les problèmes, on est là, on refuse la solution. De faire soigner. Tout ça. Donc, on n'est plus jamais. Y a-t-il des personnalités de ce pays qui sont mêlées? Bien sûr. Et moi, je suis retournée là-bas. Je crois que tu as déjà entendu parler de Parfait Sommet. Guy Parfait Songé. Guy Parfait Songé, qui fait partie de. Oui, c'est là-bas, on appelle là-bas Tumbala Israël. Voilà. Qui ça? Tumba, c'est-à-dire. L'église là. Oui. Ça s'appelle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ah, bon, ça veut dire que ça rejoint le groupe dont je disais que l'Israël était soit en Afrique. Voilà. Donc, Guy Parfait Songé, qui était un dissident et un ancien enseignant de sociaux, de politique ou sociaux à l'université. Donc, il fait partie de ce groupe-là aussi? Oui, aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, il est rentré dans ce groupe. Il était là-bas avant de sortir? Non, non. Je dis qu'il n'y a pas longtemps, il est entré dans ce groupe. Ça fait peut-être même 6 ou 7 ans aujourd'hui. Oui. Qu'il est rentré dans ce groupe. Je ne sais pas s'il est déjà sorti aujourd'hui. Donc, enfin, ça veut dire que vous le connaissiez comme membre là-bas? Mm-hmm. Au moment où nous partions, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. C'est donc après votre départ qu'il est entré? Après, oui. Avec le roi, comment vous appelez votre roi là? Ndumba Kuma Ndumba III. Kuma Ndumba III, c'est qui? Le roi de Bonaberry. Mm. Donc il est aussi parmi les membres. Il est là, puisque c'est le même pensée. C'est-à-dire que c'est le mélange de toutes ces choses. La tradition et le pouvoir de. Ndumba III, c'est un peu l'africaneur. Mm-hmm. Ce qui le panafricanisme traditionnel. Oui, le panafricanisme traditionnel. Mm. Donc voilà un peu ça. Et là, il est de connivence avec votre roi. Il rejoint donc ceci. Mm-hmm. Parce que celui-ci a des pouvoirs, des miracles, oui. Et donc on reconnaît en lui des pouvoirs dans tout ce qu'il raconte. Et il est un patriage aussi. Hein? Et votre fils de l'homme est aussi un patriage de la nativité Sawa. Mm-hmm. Il participe aux festivités Ngondo. Oui, bon, je sais, oui, on l'admet dans le Ngondo. Comme il est grand de taille, tout ça. On l'admet dans le Ngondo, on l'admet là-bas. Il fait les trucs comme ça, comme Jésus, il fait comme ça. Il ressemble vraiment. Mais pourquoi donc le média Cameroun n'en parle pas? Pourquoi il n'a pas de scène de télévision, il ne fait pas à la radio? Pourquoi on le connaisse? Et il est seulement à Douala, à Yaoundé. Il essaie d'étendre ses tentacules à petits morceaux. Mm-hmm. Pourquoi? Comme nous, on ne suit même pas les télé, même les radios. Peut-être que. Non, il n'est pas dans les télé, c'est quelqu'un. Bon, parlons de Guy Parfait Songé, qui était. Quand vous avez entendu qu'il y a été, qu'est-ce que vous avez pensé de lui avec ce qu'il fait maintenant, avec toutes ces choses qu'il fait maintenant? Donc, il faut dire que pour l'instant, moi, enfin, je ne suis pas au courant. Nous, on n'a pas été chez lui, mais ma tante, qui a Tchinga, elle m'a demandé que vous qui êtes dans le milieu de l'église. Oui. Comment il y a un pasteur ici là qui fait des miracles, vous ne partez pas le voir. J'ai dit que elle m'a dit que Guy Parfait Songé. Moi je ne le connais pas. Elle dit que non, il faut suivre, je ne sais pas si c'est Vision 4, c'est quoi. Il parle là. Oui. Il connaît et il y a beaucoup de témoins. Il paraît qu'il aide même les gens. Oui. Donc comme je sais que maman, il ne veut même pas entendre parler des choses comme ça. Mais aujourd'hui tu as. Moi-même, je. Aujourd'hui. Avec le recul. Aujourd'hui, tu es quand même, avec le recul, tu es quand même d'accord avec moi que ces choses-là, c'est le satanisme, non? Oui. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça nous, quand ça nous soulève? Le fait que Jésus soit au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai parlé tantôt de l'apostasie. Oui. Alors, toute personne qui peut tenir des propos tels que Jésus est au Cameroun, je le prends comme un apostat. Mais voilà, votre. C'est même un garçon du village, il pourrait dire que si c'est un blanc qui vient, si vous allez accepter, c'est un gars de votre natif, un gars Sawa, vous le rejetez. Et toi, un Sawa, tu le rejettes comment? Mais je le rejette comment? comment dire, la Bible dit quoi? Est-ce que les Juifs n'ont pas rejeté Jésus? Donc il y a la même chose. Justement, il peut prendre ça comme prophétie, celui que même qu'il est venu chez les siens, les siens n'ont pas reçu. Comme pour dire que Jésus, ce n'est pas une affaire de clan. De clan ou bien de tribu. Mm-hmm. Non, non. Mm-hmm. La Bible dit que Jésus, il est venu pour toute l'humanité, pour toute personne qui tourne son cœur vers lui. Mm-hmm. Voilà. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un s'érige, c'est pas moi, Jésus, et parce qu'il est de ma tribu que je dois accepter des doctrines apostates. Et pendant que vous étiez, comment le nom de sa dénomination, comment ça s'appelait? Quel était le nom qui était? Bon, dans la tradition, c'est-à-dire qu'il parle de Tumba, c'est-à-dire le peuple. Voilà. Quand les gens viennent là-bas, à le lieu de leur prière, là, on écrit quoi là? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas d'écriteau? Hein? Ils n'écrivent pas des choses. Non, ils n'ont pas d'écriteau. Ils ont seulement son trône partout. Oui, oui. Ils ont son trône partout et tout. Et les 12 vieillards, les 24 vieillards autres. Je sais. Il a ces histoires-là. Donc, il y a les sacrificateurs, il y a les groupes de 24, les groupes de 4, les groupes de machin. Oui, comme Apocalypse décrit. Comme dans Apocalypse. Il a son grand trône. Oui, lui-même a son grand trône. C'est lui le Jésus matérialisé. Oui. Voilà, j'étais en train de vouloir te donner ce que je me rappelle plus très bien. Oui. Ils ont des définitions. Oui. Quand c'est toi là, il va te sortir tout un. Il va te définir. Oui, oui. Il va te... oui, oui. Par exemple, à Yaoundé, Bon, je ne maîtrise plus la suite là, mais c'est que Yaoundé, c'est les yeux d'amour, quoi, élevés, des histoires de ce genre. Oui, il te donne, essaie de décomposer ça, il donne la langue. Voilà, il donne un peu la décomposition, l'explication de chaque lettre. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Voilà un peu leur truc. Bref. Bon, à l'issue, donc, par exemple, prenons le seul jour où vous y avez été, quelle était la prédication? Le sujet de la prédication était c'est quoi? Et quel, je peux me rappeler, c'est-à-dire que je peux te dire que ce jour-là, tout pour moi, je n'ai plus rien retenu parce que dès que j'ai vu qu'on lit la Bible à l'envers, mon cœur s'est fermé. Bon, est-ce que tu as commencé? Il y a un psaume là, ils ont lu un psaume là, ils ont commencé à lire le psaume dès le bas en montant. Oui. J'ai dit, mais je suis outil. Et quand ils lisaient, quel effet ça faisait? Quel était le but de le lire comme ça? Donc, ils lisent traditionnellement comme ça ou bien c'est occasionnellement? Mais tout le monde est convaincu que nous avons en face de nous Dieu. Oui. Donc, tout ce qu'il fait, c'est ce qui est bon. On suit. Est-il marié? A-t-il des enfants? Bon, là, je ne me suis pas présenté à savoir cela. Vraiment, honnêtement, après que nous soyons partis là, de ce jour-là, Bon, il est de ton peuple. Il y a des gens de ton peuple qui ici. Il est même de mon village. De ton village. Ouais. Il est même de mon village. C'est un arbre comme moi. Et certainement, les gens de ton village vont beaucoup priser parce que c'est un homme, un fils de terroir. Voilà. Ils sont là pleins. Je t'ai dit que mon cousin est oui, là. Oui. Et j'ai dit à mon cousin dernièrement que bon, Mokoudi, je t'ai parlé la première fois maintenant. Comme tu n'as pas voulu savoir, maintenant il y a une distance entre toi et moi. Oui. Moi, je ne peux plus. C'est-à-dire que je ne peux plus t'accepter. Oui. Comme tu vas tracer la ligne. Oui, oui. Dans les hautes personnalités, par exemple. Aujourd'hui, je comprends l'implication spirituelle de ces choses. Oui. Oui. Donc, je ne badine plus avec ça. J'ai dit non. Là, il faut complètement couper les ponts. Dans les grands chefs traditionnels, je le salue, je dis, je parle de mon cousin là, oui. Mais je ne veux plus le rapprochement. Mmh. Oui. Et lui-même a senti ça. Mmh. Il a senti ça. Donc l'autre, c'est-à-dire le collègue, question. Oui, que vous avez invité. Ouh là là. Lui, il a senti, il connaît ma position aujourd'hui. N'est-ce pas le cooptage qu'il voulait faire pour que vous soyez membre et que peut-être il soit élevé dans un grade? Oui, non. Et quand il a échoué son plan, c'est pour ça qu'il vous déteste comme ça? Oui. Et je peux t'assurer que il est l'une des personnes qui me combat dans au service. Il me combat vraiment. Mmh. Ça, je peux apporter les preuves. Mmh. Parce que c'est quelqu'un, c'est des personnes déjà élevées dans la spiritualité néfaste. Le directeur général, par exemple. Mmh. Il a tenu la main et il a fait, c'est-à-dire qu'à la présidence, partout. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un, mais même jusqu'à notre directeur général. Non. Donc maintenant, il y a des gens qui certainement vont nous écouter, qui sont dans votre tribu et au-delà, qui sont à l'intérieur manipulés. Qu'est-ce que tu peux leur dire donc? Tu dis? Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont à l'intérieur, pleins comme ça. On ne parle pas de façon spécifique pour le Jésus du Cameroun. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme... Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, déjà, comme je t'ai dit que là-dedans, j'avais deux de mes cousins. Oui. Mm-hmm. Qui sont encore, bien qui sont... Qui sont encore? Oui. Qui sont encore? Oui. Je commençais déjà, puisque chaque fois qu'ils venaient, chaque fois qu'on avait l'occasion de nous retrouver, par exemple, à la maison, parce que c'est les gens qui venaient quand même à la maison. Oui. Chaque fois qu'on avait l'occasion de nous retrouver, on ne manquait pas de tomber dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Mmh. On débattait. Et donc, tout ce que moi, je leur disais toujours, je dis, vous, vraiment, vous feriez mieux de quitter ce milieu-là, parce que, bon, les réponses, c'était... C'est moi qui ne comprends pas. C'est toi qui es perdu. C'est moi qui suis perdu. Mm. Voilà, donc on ne peut pas insister. C'est ma cousine. Voilà. Donc il y a aussi ta cousine aussi dedans. Oui. Il y a ton cousin aussi dedans. Ah, écoute, oui. Mm. Écoute, l'histoire de sa cousine. Allons-y, ma soeur. L'histoire de tu as les bonnes cousine, histoires. Que... Après le feu et le sang, le feu dans la prière et l'histoire le sang. L'histoire de sa cousine, c'est que sa cousine arrive à Yaoundé. Oh, c'est mieux, elle a de l'âge. Parce que quand elle explique bien, elle ne saute pas. Toi, tu oublies. Vas-y, ma soeur. Donc, ma cousine, elle arrive, c'est à Yaoundé. On parle de la Bible, tout ça, il dit que jamais elle s'est là-bas. Attends, avant de quitter, elle venait d'où, de Douala? Elle vient de Douala. Et déjà, étant là-bas, elle y était déjà? Non. Non, elle n'y était pas encore. Elle a donc fait connaissance d'un monsieur. Oui. Un ancien parigot, monsieur qui vivait en France, qui était riche. Après, il est devenu tout pauvre, il est là-bas. Oui. Et un benguiste. Un ancien benguiste. Un massawa. Ils se sont mariés. Et le monsieur là est en plein dans l'église là. Dans ce monsieur de Tumba quoi là. Dans Tumba là Israël. Tumba là Israël. Le monsieur là est en plein là-bas. Donc Adrienne, elle s'appelle Adrienne, elle était déjà aussi là-bas, fort. Maintenant, avant ça, pour le mariage, même pour la dot, c'est le papa, la papa Isali. Qui a donné tout l'argent, qui a acheté les choses pour doter. Bon, le monsieur qui dont elle a posé et qui était un ancien benguis venant du Douala de la France, était membre de l'église. Peut-être proche de lui. Très proche même. Il était au rang de sacrificateur. Donc Adrien n'était plus d'accord. Déjà, Adrien a commencé à dire que quand elle est dans. Tu as sauté. Voilà, c'est bien ça. Le problème, tu as sauté, c'est ça, elle dit que tu vas me laisser. Ok, raconte mon cher. Notre mais suivez-le aussi, parce que c'est ta cousine. Sa cousine oui. arrive d'abord à Yaoundé. Oui. Elle arrive à la maison. Chez à l'époque, nous n'étions plus là où nous sommes fait baptiser. Oui. Donc, vous avez déjà émigré. En fait, le pasteur en question était mort. Oui. Donc, on ne faisait plus partie de cette congrégation. Mmh. Bon, on a un peu marché à plusieurs endroits là. Et puis, nous nous sommes retrouvés à un endroit où dénomination appelée la plénitude de la grâce. C'est pendant que nous sommes à la plénitude de la grâce que sa cousine arrive donc à la maison. Oui. On l'amène une ou deux fois. Que vient prendre la grâce. À la plénitude de la grâce. Elle est. La plénitude de la grâce, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Oui. Oui. C'est là, c'est encore dedans. Connu mondialement comme. C'est là où on dépouille même alors les chrétiens, c'est-à-dire que c'est là où la rencontre de tous ces faux pasteurs, Kamdem et tous ces mal, ils viennent là. Kamdem aussi vient là-bas. Ouais, okay. Oui, c'est là à Yuk. À Yuk, les dangereux. Là. Les dangereux là. Ouais, frère, nous avons été les victimes là-bas. Et pas les petites victimes. Oui. Alors. Adrienne, sa cousine, on l'a amenée là une ou deux fois, elle était contente et tout et tout. Bon. Et puis un jour, elle est rentrée à Douala. Elle rentre donc à Douala, le temps passe. Et puis quand elle revient maintenant, une seconde fois à Yaoundé, c'est donc là où elle nous annonce qu'elle fait partie de ce milieu. Là, elle était déjà mariée avec ce monsieur-là. Oui. Et elle est venue vers vous, mais vous ne saviez pas qu'elle faisait la partie de cette chose. Elle-même nous a dit non. Oui. Après ça. Même de nous convaincre que voilà un bon endroit. Il faut que. Elle dit Adrienne, nous on connaît cette histoire. Ah, vous y avez été. En ce temps-là, vous y avez été. Oui, on était déjà. Oui. Ok. On connaît cette histoire. Vraiment, tu ferais mieux de quitter vite. Et tu sais, quand tu es emballé par ces choses, peut-être emballé par son mariage aussi avec le monsieur. Oui. Non, elle a dit non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas ici, c'est cela, c'est monté, c'est descendu. Bon, on l'a laissé. C'est elle-même. Quelques temps après. Oui. Je ne sais pas si, comme Françoise a dit tantôt, que les femmes là, on leur ouvre les yeux. Oui. Peut-être qu'on a aussi ouvert ses yeux. Oui. Parce que je crois que je l'ai entendu elle-même raconter que elle faisait des visions. Mm-hmm. Voilà, elle faisait des visions. Dans ces visions, elle a donc vu comment ce papa-là, papa-là, qui est son mari. Celui qui est son mari. C'est le monsieur qui est son mari. Oui. Oui, le fils de l'homme. Oui, le fils. Ah, le fils de l'homme lui-même. Oui. Qui est son mari. Attends. Spirituel. Donc, spirituellement, c'est plutôt celui qui est son mari. Oui, parce que c'est lui qui a fait la dot. Oui. C'est lui qui a acheté. Qui venait payer la dot. Oui. Et donc, sur le plan spirituel, donc, c'est lui qui venait la rencontrer. Qui venait la rencontrer. Mmh. Et puis, donc, elle, comme elle savait déjà. Elle a combattu. Et chaque fois qu'elle se rapproche donc de son mari pour lui dire que voici ce que je suis en train de vivre, ça son mari fait que, des problèmes. Ça ne peut pas être vrai. Que le fils de l'homme va faire ça. Tu ramasses tes histoires là où mm-hmm. ça leur a ils fait avaient un seul revenu, une maison là devant le chez eux qui leur donnait 250 000. Donc ils avaient une maison à louer, qu'ils ont mis à location. De famille. Une maison de famille. Que les frères ont décidé que bon, comme leur grand frère s'il ne travaille pas, il n'a rien. Comme ça, voilà, ça le papa la prenait tout l'argent. Il partait donner là-bas à l'église. Oui. Adrienne reste à la maison, ils n'ont même pas 5 francs. Même pour manger, tout ça. Adrienne a commencé à dire que non, c'est trop. Comment tu peux être esclave des gens si tu ne vois pas que le papa s'y t'escroque, tout ça, tout ça. Son mari n'était pas d'accord. Ça. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'est cassé leur mariage, chacun est de son côté. Oui. Voilà, à cause de l'église. Là. Oui. Et là, elle est sortie de là. Elle oui, est sortie. Si elle s'assoit ici, elle te raconte. Elle se trouve où? Là, toi, là. Voilà. Ok. Et là maintenant, elle après la cassure, elle vient encore vous voir. C'est elle maintenant qui revient nous dire. Elle qui nous raconte des choses terribles. Racontez donc ces choses terribles. Vous les gardez pour vous? Non. Grosso modo, elle dit que c'est de la. C'est quelque chose de négatif pour elle. Elle n'aime même pas s'étendre. Mmh. Elle dit tout simplement que vraiment c'est que une ce qu'elle a vécu. Il faut qu'il faudrait qu'on la rencontre pour qu'elle nous parle. Oui, tout ce que je voudrais bien. Ça peut déclencher beaucoup de choses. Voilà comment. Mais toi, tu ne veux pas aussi la voyance. On te donne aussi la voyance là-bas, ma soeur. Tu ne veux pas être une voyante avec l'honneur. Non, déjà que nous, on n'est même pas resté. Ta soeur avait juste un problème. Il fallait résoudre la queue. Mais le fils de l'homme a exagéré 250 000. Si au moins il pouvait seulement s'arrêter au niveau de 50 000. Mais à la politique, on nous a demandé plus. On a dépensé plus. Les prophètes. Camden m'a dit que. Camden, c'est qui le dit le nom? Il laissait son église, il venait là-bas. Il a dit qu'il me donne les prénoms de mes enfants. Oui. Et la date de naissance. Oui. Elle va accoucher les jumeaux, un garçon et une fille. Oui. Il me donne les prénoms. Tu as écrit ça? Et la date de naissance, je n'ai pas écrit. Il a dit que. Tu étais avec ton mari ici? Oui, mais lui, le jour-là, il n'est pas parti. Il avait rendez-vous avec lui. Et là, le rendez-vous s'est trouvé où? Là-bas, à Soa. À la cathédrale de la foi. Oui. Vous êtes rencontré où avec lui? C'est-à-dire que, voilà. Je t'ai dit que la plénitude de la grâce. Oui. Cette abominable dénomination. Oui. Cette abominable dénomination est située à. Comment ça s'appelle? Olympique. Oui, Carrefour Olympique. Vers. Et Foulensemble. Foulensemble là-bas. Alors, c'est une dénomination où presque tous les pasteurs de la ville s'exercer. Oui, s'exercer, prêcher. Voilà. Sous leur invitation. Oui, sous leur invitation. Donc la personne qui a construit ça invite les gens, mais pas le bon. Voilà. Rarement, mais en fait, c'est une femme. C'est la femme du monsieur. C'est elle qui est vraiment. La visionneuse. Oui, la visionneuse. Son mari est devenu apôtre. Oui. Il l'officie aussi, mais c'est quelqu'un quand même. Lui travaille. C'est quand même quelqu'un qui a un travail. Et dans ses publications, dans ses témoignages, il disait même que lui, il avait dit à Dieu que lui ne veut pas être pasteur. Il a même dit à sa femme que l'histoire, c'est moi, je ne veux pas. Mais les voix de Dieu étant. Insondables, il s'est retrouvé à être apôtre. Ça fait donc qu'il est là une fois sur trois. Ou alors une fois sur cinq, je peux dire comme ça. Là. La plupart du temps, donc, c'est les pasteurs qui viennent. Les pasteurs qui viennent. Et là également, il y a du monde aussi. Beaucoup. Du monde terrible. Les prophètes viennent du Niger. Oui, là, tu étais sur le point de raconter l'histoire dont tu as parlé par rapport à l'enfant et au nom des jumeaux, oui. Tu disais que... Oui, oui. Donc, parmi donc, ces multiples pasteurs qui arrivent, c'est là où nous avons donc connu Camden qui a été invité aussi une fois. Et comme à l'époque, donc, Camden il avait cette grande renommée. Oh là là. Qu'est-ce que je te fais rire? Alors, Camden, dans son boîtement chaud, il a fait ses machines là. Il dit aujourd'hui, Dieu m'a dit 150 personnes seront bénies. Quand il fait sa main comme ça, là, une multitude tombe. Waouh, Camden, je vous avais dit que c'est moi le premier pasteur dans cette vie, tu vois un peu. Et toi, tu es là, tu n'es même pas tombé. Jamais. Moi, j'avais déjà fait la remarque que moi, je ne tombe jamais dans les histoires. Les gens tombent à côté de toi. Si j'ai donc un démon qui dépasse les gens. C'est là où j'ai commencé à dire que frère. Bon. Et c'est ce jour-là donc que vous avez fixé à nouveau. Bon, il s'est donc avéré que, bon, il a dans, dit ses, que... Dans, ses, dans sa prédication, dans ses folies-là, tu vois, avec les cœurs, le cœur surtout de mon épouse qui veut une solution. Ah, parce que c'est son problème, oui. Qui recherche une solution. Bon, ils ont les histoires d'appel de fonds là. Mmh. Oui, qui. Quels sont ceux qui ont les problèmes de ceci? Quels sont ceux qui ont les problèmes de... Voilà, voilà. On arrive là. Il faut voir l'homme de Dieu. Voilà, il faut voir l'homme de Dieu. On n'a pas été en rendez-vous. Voilà. Et, dans ce rendez-vous-là, ça se coûte combien? Et puis, je crois que c'est là où il... Il a envoyé 250 000. 250 000 aussi? 250 000. Quand même. Oui, on a donné l'avance ce jour-là, puisqu'on n'avait pas tout. Attends, c'est entre les noms, vous avez donné 100 000. Non, je crois que c'était... Si c'était donc 250 000, ça veut dire que nous avons donné 150 000. Attends, en allant au culte, là, vous avez l'argent pour 150 000. Ouais. Ou même partez où avait l'argent 150 000 dans le lieu de culte. Non, on n'avait pas 150 000. Moi, je pense que on n'avait pas l'argent là. Mais quand, dans sa prédication, là, il a fait ses appels de fonds, là, c'était 100 000. Tu confonds. Bon, il a dit que quelqu'un, ceux qui vont donner 100 000. 100 000, oui. Quand c'était 100 000. Oui. Donc, ça fait donc qu'on s'est enregistré. Oui. Pour ses 100 000 francs. Oui. Il a fait sa prière. Et il a fait cet appel-là, il y a beaucoup de personnes qui ont ouais, fait. Que oui. Beaucoup. Et il devait le rencontrer plutôt à la cathédrale de la foi. Ah, lui, non, il n'avait pas encore la cathédrale de la foi. Okay. Il était encore à l'université, à soi. Il avait encore son petit truc-là. Après, donc, il fallait aller honorer la parole. Nous sommes allés, elle et moi, on est allés donner les 100 000. À qui vous avez remis en tout cas les 100 000? C'est en même propre que vous lui avez donné. Même propre. Vous allez saluer que monsieur, je viens vous donner l'argent. Ouais, nous sommes ceux-là et tout, et tout, et tout, qui ont été inscrits pour tel. Il a juste, il a payé ses 100 000, il a prié, il a fait une prière superficielle là, et puis. Il est vous l'a demandé à l'époque, nous sommes encore, je suis encore bien aveugle. Je suis un peu entraîné. Même Ézéchiel. Qui ça? Un prophète nigérien. Non, finissons avec celui-ci. On va passer à Ézéchiel. Mais si même Zacharie par la suite, même Malachie, on va y arriver. Restons ici. Et donc, comment. Après, vous êtes venu donner l'argent. Oui. À quel moment il a donné les déclarations à cette dame-ci? Bon, moi, je n'étais plus. Donc, elle n'est pas toujours pas derrière. Oui. Non, il m'a donné rendez-vous de prière. Attends, après, lorsque vous donniez cet agent-ci... Il a dit que... On nous a même d'abord dit d'aller faire les prières à la plénitude là-bas. On partait, on a fait le jeûne. On partait en prière là-bas dans le cercle. On nous a mis dans le cercle. Il fallait aussi qu'on paye. Tu t'en rappelles, non? Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est... Vous avez prié là-bas. Tandem, non. Tandem. Donc, au bout de la plénitude, la fois, chaque personne qui venait vous dépouiller. C'est oui. Comme ça là-bas. C'est là où on a... Non, là-bas, on n'a pas... On a beaucoup dépassé. Beaucoup d'argent. Et donc, au rendez-vous maintenant, tu trouves Camden où? Au rendez-vous, alors, Camden a dit que... Camden dit dedans. Oui, Camden. Nous revenons au général. Où, là, maintenant? En ce temps, il était là, général. La plénitude. Mais il était capitaine. Non, il n'était pas au général. Non, il a dit que il faut que je passe là-bas parce que... J'ai les prophéties, Dieu a te dit des choses. Que tu passes là-bas, le rencontrer. À Soa, chez lui, à Soa. Je suis partie à Soa. C'est la partie où il y a l'université de Yaoundé 2, la ville où il y a l'université de la banlieue de Yaoundé. Et puis il a dit qu'il me donne les prénoms de mes enfants, oui. Les dates de naissance et tout, que je sache que le mois s'y met. Tout et tout. Oui, le mois. Nous sommes dans quelle année? 2017. Non, il dit ce moment où il te parle dans son bureau à le soir. Je crois que c'était 2008. 2010. À 2010 peut-être, dans cet intervalle-là. Oui. Oui. Donc il a dit que ce mois où vous étiez là, dans ce mois-là. Oui, 2010-2011. Oui. Parce que je me rappelle que oui, c'était entre 2010 et 2011. 2010-2011. Non, 2010-2011. Là, tu es allé sans ton mari. Oui. Mais pourquoi tu es allé sans ton mari? Parce qu'il m'a donné rendez-vous. Mais quand vous étiez parti donner de l'argent, les 100 000, c'était pourquoi? Pour honorer tout simplement pour la feuille de fond. Oui, toujours pour honorer. Pour s'aimer, pour le sacrifice. Oui. Ok, maintenant, pour et là. Les vœux. Mm-hmm. Que Anna fait un vœu, ceci, cela, tout à ça. À Dieu. Pour que Dieu vous voit ça en retour. Ok, maintenant, au bureau, dans ce bureau, donc, il dit Dieu attend un prophétie, le prophétie, il donne maintenant le nom de l'enfant, la date de naissance, que c'est moi là. Mm. Il y a deux enfants, les jumeaux. Prenons, premier nom, le garçon. Il m'avait donné. Comment tu oublies le nom de ton garçon comme ça? Mais ça n'a rien donné. Ça n'a... Mais on dit que si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Ouais, c'est pas ça. Il hein? faut l'attendre. Il a dit que si la prophétie tarde, la Bible déclare que si la prophétie tarde, ça s'accomplit en le temps, non? Il avait donné le temps que ça devait s'accomplir. Il faut noter là. Même papa a dit, il m'avait donné. Il faut noter que ce rendez-vous aussi, elle ne m'en a jamais parlé. Donc, je n'étais pas au courant. Elle allait rencontrer quand même, moi, je n'étais pas au courant. Oui, et parce que tu es toujours là pour refuser les choses, pour enlever la solution, elle allait seule. Donc, et ici, dans cette séance des rendez-vous, tu as encore apporté de l'argent? 250 000. Il t'a demandé l'argent. Non, il avait dit qu'il faudra que j'apporte 250 000. Voilà. Après qu'il ait donné la prophétie. Je n'avais pas. C'est ça que dit que c'est peut-être. Peut-être c'est même ça qui a bloqué ton argent. Tu confonds dans le. Donc il y avait d'abord 100 000 que vous avez donné tranquillement. Oui. Et là, maintenant, là, il te demande 250 000. 250 parce que je n'ai pas. Là, je n'ai pas donné parce que. Tu n'en avais pas. Non, non seulement je n'en avais pas. C'est qu'on était déjà très choqués de tout ça, que même un de nos frères là, qui n'avait rien, qui souffrait même, il a aussi pris ses pauvres 25 000, c'était 25 ou 50 000 Bellon. L'histoire de Candé ne concerne pas Bellon. C'est une autre personne encore. Ouais, on était, toi tu oublies, on était avec Bellon Mastoa. Vous êtes partis ensemble? Oui. Et à toi, on a le 250 000. Oui. C'est un ténor, c'est lui qui te dit de bouche à oreille que tu lui donnes, tu as pris 250 000. Pour faire quoi? Toujours pour prier pour moi, qu'il faudra que je cherche ça, que j'apporte. Mais là, il a déjà dit que l'enfant va venir, oui, le mois là même où vous y êtes. Et là, il dit le nom du garçon, c'est... Il a oublié. Il a dit que garçon et fille, le mois c'est... Peut-être c'est Dieu donné. Parce que c'est Dieu qui a donné la prophétie. Et la fille, c'est... Au moins la fille, même la fille, tu n'as pas oublié, tu as oublié la fille. Non, moi, je sais plus. Il y a longtemps, il avait dit, comme rien ne s'est passé, même bon, quand tu sortais dans son bureau, tu étais convaincu que ça venait de Dieu, ou bien quand tu sortais de son bureau, dans ces rendez-vous-là, tu pensais quoi? Oui, bon, je me disais que c'est un homme de Dieu qui a dit... Malgré qu'il t'a demandé de Dieu, ça, c'est un gamin que tu apportes. Je ne voulais plus donner ça parce que on voyait bien que c'est trop d'argent. Non, il dit, vous êtes dans le bureau. Elle vous dit, il vous dit, c'est moi si tu auras ton enfant, les deux enfants, voici le nom de la petite, de la fille, voici le nom du garçon. Mais apporte 250 000 encore, il va encore prier pour toi. En sortant, tu te dis que c'est un homme de Dieu. Mais pourquoi, si c'est un homme de Dieu, pourquoi tu ne viens pas lui donner 250 000? J'ai dit que non, si Dieu veut, si Dieu dit qu'il va me donner, il va me donner. On avait beaucoup d'argent et tout le temps on dépensait comme ça. On va passer à Ézéchiel aussi tout à l'heure avec l'autre prophète. Tu as dit, il y a votre ami qui était pauvre, qui avait des problèmes, il a donné de 25 000. Qu'en est-il aussi? C'est toujours lui qui a pris. Il n'a rien vu. Oui, toujours quand on est parti à soi, il a donné. Après lui-même, il a regretté. Plus 25 000. Est-ce que Bellon était à soi? Oui. Moi, je sais qu'il y a un autre prophète nigérien qui est venu là. C'est là où Bellon m'a donné de l'argent. Il a donné même à Déhémi. Il a même donné à Ézéchiel. Oui, à Déhémi. C'est un autre un prophète nigérien. Que c'est toujours les gens de grâce là qui ont envie. Oui. C'est à Déhémi là qui a déchiré. J'ai la Bible. Il a déchiré la Bible, il m'a fait manger ça. Il a déchiré la Bible, il t'a fait manger. Oui. Une page. Pourquoi tu es toi qui voulais contre... Quand il disait que tu déchires, ça c'est devant les gens qui l'a fait ça. Ouais, oui, en plein culte. Il déchire le papier comme ça, il demande de marcher. Oui, c'était. Adéhémi, non? Oui, c'était quel passage? Je me rappelle plus. Ézéchiel 37. Non, on dit que les eaux vous revivent, ou bien dans Isaïe 54, que le juste stérile, toi qui n'enfantais pas. Oui, tout ça. Et tu as mâché la feuille. Ouais, il lui-même a porté. L'eau, un verre d'eau. Il a dit que s'il n'est pas un serviteur de Dieu, nous allons voir, l'assemblée va voir donc il est véritablement un serviteur de Dieu à travers cette histoire-ci. Oui. Il a déchiré la page là. Les gens ont applaudi. Ouais, oui, tout le monde criait. Y compris la pastrice et l'apôtre qui l'ont invité. Oh, il a fait. Il y a un couple qui est devenu pasteur là-bas chez nous. Mmh. Où c'est un problème d'infertilité. Il a dit que qu'ils aillent dormir sur l'hôtel. Comme ils dorment souvent sur leur lit, qu'ils se collent. Donc, là, c'est en tenant devant les gens. Hein? Oui, ils se sont collés là-bas. Mmh. Mais ils n'étaient pas nus. Oui. Ils se sont collés. Mmh. Les gens applaudissaient, ils riaient. Ouais. Oui. Que ce sont les actes bon, prophétiques. Ça, là, moi, je ne t'aime plus. Oui. Que ce sont les actes prophétiques qui sont les gestes prophétiques. Oui. Mmh. Donc, là, c'est quand tu as vu, on t'a dit que hey, c'est grave. Tout le monde, on était surpris, mais bon, on applaudissait, on a dit que bon, c'est peut-être ce que Dieu a dit de faire, mm-hmm. qu'ils dorment là-bas. Ils ont dormi, qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Et il a dit qu'il a levé les mains dans le cirque, parce que vous saurez que c'est ce qui concerne. Quand il a fini de faire cette séance avec elle, là, l'argent. Quelques, oui, coups de fil, oui. Il faut qu'on vienne donner l'argent. C'est eux-mêmes qui ont appelé maintenant. Lui-même. Il lui a d'abord acheté une Bible. Il fallait remplacer la Bible là, puisque cette Bible là, il nous l'a. Il a attends, donné. Ça, donc il a déchiré la Bible de qui? Sa propre Bible sa à lui. Sa propre Bible à lui. Oui. Et là, il a donné. Après, vous a remis la Bible déchirée oui. entre vous et vous, il fallait remplacer. Oui. Vous avez acheté la même cette Bible. Cette Bible là est en Simalène. Ok. Et là, maintenant, il vous a appelé. Il nous appelle maintenant. En aparté. En aparté. Mm. Là, dans sa résidence. Oui. C'est là où il nous demande, donc, je sais plus, c'était 100 000. Oui, c'était d'abord 100 000. Pourquoi? Mais pour dire que il faut toucher payer, le cœur de Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Bon, entre-temps, frère, moi je t'ai dit, le problème avec elle, là, tu vois un peu, c'est qu'à ce moment-là, j'étais un peu dérangé dans ce sens que je n'étais pas d'accord de toutes ces choses-là. Oui. Tu vois un peu. Mais j'avais cette pression parce que dans sa façon de voir et sa façon de faire, elle avait l'impression que. C'est moi qui bloque. Que si tu n'y vas pas, ça veut dire que c'est moi qui bloque. Pas son bien, quoi. Voilà. Mmh. Oh, j'étais partagé donc par ça. Mmh. Donc souvent tu y es accompagné sans être là. Oui, c'est oui. Okay. Voilà, c'est même ça le terme. Mmh. J'étais là, mais je n'étais pas là. Mmh. C'est moi qui là pour, oui, juste pour dire que bon. Mmh. Puisque elle et moi, on avait des discussions, je lui disais que est-ce que toi-même tu trouves normal que ça là, on a fait ça. Rien n'a marché. Donc c'est celui-ci que tu penses que c'est... Il y a des lorsque vous avez rencontré, vous avez donné ces 100 000 dollars qu'il a demandé. Oui. À l'hôtel. On a donné les 100 000 à l'hôtel et nous sommes sortis ensemble pour aller lui acheter sa Bible qu'il a déchirée là. Mm-hmm. Sa Bible qui est là où maintenant où c'est 20 000 ou c'est 25 000. Oui, et là il vous a rassuré que... Oui, non, que ça va donner. Mais... Mm-hmm. Après que nous lui avons donné les 100 000 et après qu'on a acheté même cette Bible, il appelle encore. C'est là où je dis, donc, François, que tu vois alors. Il a encore appelé pour faire quoi? Pour demander l'argent. Il veut maintenant voyager. Je lui dis que tu. Non, mais il venait du Niger pour venir au Cameroun. Oui. Il séjournait ici. Il venait souvent du Niger. Il pouvait donc faire peut-être un mois. Oui. Pendant qu'il prêche, il prêche. Après un temps, il rentre dans le Niger. Oui, et il dit qu'il veut voyager. C'est vous qui voulez. Il vient faire le commerce. Il vient récolter l'argent. Chaque jour, il y a les retraites de prière. Et les gens pour le voir, l'argent. Ouais, okay. Et il fait même le témoignage qu'il était un ancien sorcier. Oh, vraiment, je n'aime pas penser à ces choses-là. Un ancien sorcier. Et on arrive à l'hôtel. Que Jésus a touché. Oui. Et donc, on arrive il est plus à l'hôtel. Mais il connaît maintenant tous les rois, comme il a été. Attends, ma soeur, on arrive là-bas, oui. Donc il connaît les techniques des sorciers, par conséquent il peut bloquer les sorciers sur votre vie. Oui. Et par conséquent si vous payez, il fait le travail. Ah, c'est vraiment nous, ce qu'il raconte là c'est en pleine église. Hein. Oui. Mm-hmm. Et donc c'est pour exciter les gens en disant que si vous payez, je connais comment bloquer les sorciers dans votre vie. Oui. Et il raconte, ça veut dire que Jésus là, c'est Adeyemi qui, il s'appelle Adeyemi qui. Non, Adeyemi, moi je ne connais pas son autre nom. Ok. C'était John. Oui, John Adeyemi. Du Nigeria. Et là, toi, tu parlais de. Quand vous êtes arrivé à l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? On a fait l'hôtel, mon mari l'a surpris avec. Non, on a trouvé vraiment une situation un peu ambiguë là. Oui. On trouvait une soeur. Oui. Je ne sais pas si le pour nous recevoir, il a fallu d'abord que on attende. Oui. On s'est signalé que oui, nous sommes là, je crois, par téléphone. Oui. Et donc il fallait que cette soeur-là sorte pour que lui nous reçoive. Bon, oui. On ne peut pas dire que ceci, mais c'était un peu bizarre. Donc, moi, toutes ces choses, même déjà... C'est terrible. Commençaient déjà. Mais faisons un halt là, parce que là, tu dis que ça rejoint... Il y a déjà au milieu chrétien beaucoup de témoignages de gens qui se disent pasteurs, évangélistes, qui sont sortis du satanisme. Mm-hmm. Mais nous remarquons que très souvent, ils sont prisés par la cupidité. Oui. Emportés par les offrandes. Ils partent dans les anciens testaments pour parler des sacrifices et autres là-bas, beaucoup de gens vont donner. Mm-hmm. Ce témoignage-là, leur témoignage est-il authentique avec le témoignage du Seigneur Jésus qui a rencontré les gens dans la Bible et que leur vie a été transformée? Pas du tout. Avec le recul, avec la connaissance que vous avez maintenant. Avec la connaissance que j'ai maintenant encore, que j'ai suivi. Du côté des Zaïs, on en a une pléthorique de témoignages comme ça. Mm-hmm. Du côté de la RDC, de l'ex-Zaïs, mm-hmm. en Côte d'Ivoire, on a des pléthoriques comme ça partout maintenant. Partout. Et on a comme l'impression que c'est l'apanage seulement des Africains. Oui. Tu sais, il y a ce qui m'a définitivement ouvert les yeux sur cette pratique. Mmh. C'est pour ça que on a eu toujours un autre frère, que je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de lui, qui avait l'habitude de dire ceci, que s'il y a des pasteurs vrais au Cameroun, il ne pense pas qu'il y a deux. Des bons, des vrais pasteurs. Lui, il est chrétien. Oui. C'est lui qui dit ça. Oui, ça c'est un frère. Je ne sais pas si j'étais déjà parlé de lui. On a vu là. Je t'ai dit qu'il a commencé exactement comme toi. Il ne prend pas l'argent. Donc il avait toujours ce propos-là dans la bouche que frère, je ne te cache pas, dans cette nation, appelée le Cameroun, si on dit qu'il y a 100 pasteurs, il n'y a pas deux vrais. Et ça ne fait pas froid. Il était très convaincu de ce qu'il disait. Ça ne fait pas froid au dos. Ça ne donne pas froid au dos avec cette déclaration. Bien sûr. Mais avec votre marge là, au fur et à mesure, est-ce que vous lui donnez raison? Je lui donne raison aujourd'hui, c'est-à-dire que... À 200%. À 200%. Frère. Passons à Ézéchiel, prophète Ézéchiel maintenant. Ils sont nombreux. Ézéchiel, ce n'est que... C'est-à-dire Ézéchiel, lui, nous a pris même combien? Beaucoup. Lui aussi, c'est un Nigérian. Oui. Oui. Papa, attends, là, je vous pose une question. Ça, c'est dans le même lieu. On vous prend de l'argent. Si on prend dans l'ordre, parce que vous avez fait ça dans l'ordre aléatoire, c'est parce qu'il y a une personne d'abord qui est d'abord venue vous prendre l'argent, l'autre est venu dans la même assemblée vous prendre l'argent, vous faites la promesse devant l'assemblée, l'autre vient encore devant l'assemblée vous faire manger la Bible, l'autre vient encore et vous dit viens à Soa, ainsi de suite. Et là, on ne voit toujours rien. Mm-hmm. Personne ne se pose des questions sur vous. Vous ne vous posez pas de questions. Mais je t'ai dit que nous posions des questions. Mm-hmm. Mais je t'ai dit qu'il y a de l'autre côté la pression que je subis. Oui. Tu vois un peu. Oui. Je suis un peu entre le marteau et l'enclume. Oui. Tu vois. Oui. Elle a cette envie qu'il faut. Oui. Donc, qui est le résultat. Oui, elle ne voit pas cette réalité là. Oui. Oh, moi je suis en train de percevoir, je vois que mes premières personnes, il a pris l'argent. Deuxième personne a pris l'argent. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Et il se relaie donc comme ça. Jusqu'à ce que. Parce que la fin de cette histoire, c'est que, en fin de compte, je me suis donc fatigué. Et je lui ai dit... Tu ne mets plus le pied là-bas. Oui. Moi, je ne vais plus là-bas. Je ne suis plus avec toi. Elle a continué à y aller. Oui, oui. Elle a continué à y aller avec mon petit neveu. Et peut-être encore d'autres professeurs qui sont encore venus. Hein? Et peut-être par derrière, donc, entre temps, d'autres professeurs. C'est elle qui peut savoir. Mais j'avais cassé parce que je m'étais rendu compte que tout ça, c'est de la supercherie. Mais dans les lieux où vous y allez là, quand on vient, il y a des gens qui se lèvent pour donner des témoignages avec le micro. Ouais. Ils donnent des témoignages vivants, avec des preuves, pour que ça convainc les gens. Qu'est-ce que vous pouvez parler de cela? Puisque vous y avez été, certainement vous avez vu ce que je t'avais dit. Où les gens, le moment des témoignages, où les gens viennent donner des témoignages, que telle personne avait dit telle chose, voici, si, et ainsi de suite. Je veux qu'on en parle. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire de... Vous avez quand même vécu cela? Oui, c'est-à-dire que... En faisant ça, le cœur de ma soeur dit que je crois qu'ici, là, ma part va venir. Oui, parce que dans tous les cas, je viens te dire que, en fin de compte, ce qui m'a amené donc à la totale conviction qu'on a plutôt affaire à des satanistes. Oui. C'est lorsque, finalement, je suis le témoignage de... Toi, tu as repris ce témoignage, je ne sais plus si c'est en image, si c'est en vidéo, mais tu as repris le témoignage de ce pasteur qui a d'ailleurs circulé presque partout. Même le gars des États-Unis, là, comment tu l'appelles? Nama. Nama, oui. Nama Georges aussi a repris ce témoignage. Oui. Beaucoup de personnes ont repris ce témoignage. Le témoignage du Nigérian, du pasteur. Ok, ok, dans Sibamba Eba, c'est connais-tu ton pasteur? Le titre, c'est comment tu connais-tu ton pasteur? Je connais le titre, mais je n'ai jamais suivi ça. Ok, ok. Son pasteur. Mais je sais que j'ai déjà écouté ça. Tu sais, un lot d'enseignements. Oui. Dans les enseignements, j'ai retrouvé ça. Oui. Mais je n'ai pas vu ça dans Connais-tu ton pasteur. Bon, c'est oui. Voilà. Ok. Donc, oh, avant cela, oui. J'avais déjà reçu les gens. Tu sais qu'à un moment là, beaucoup de gens ont envoyé ce témoignage. Oui, par écrit. Oui, par écrit. J'ai suivi le témoignage par écrit et c'est là où j'ai vu donc comment tous ces pasteurs, c'est-à-dire comment ils sont faux. Ils vont chercher les esprits et tout. Ils font des miracles. Ils opèrent ces miracles et ils envoûtent plutôt les gens. C'est depuis ce jour-là que j'ai donc véritablement accepté le propos du frère qui disait que s'il y a 100 pasteurs au Cameroun, il est sûr qu'il n'y a pas deux. C'est là où j'ai accepté, j'ai compris que... Mais donc parmi ces pasteurs qui sont authentiques, il n'y a pas le fils de l'homme. Si on doit même qualifier Mounasawa. Les satanistes. Bon, ma soeur, dans ta marche, est-ce que tu n'as pas rencontré dans cette dénomination où vous avez été, où les gens ont vous invité là, Edemi, ont chanté votre agent, Ezekiel, ainsi de suite, il y a des noms peut-être que vous avez même oublié. Wanda. Qui? Wanda. Wanda, étonné. Oui, oui, c'est-à-dire que miracle. Wanda. C'est lui qui est d'où, de quel pays? Congolais. T'as raconté? Oh là là. Là également, vous avez dépensé? Ouais. Wanda. On l'appelle même. Wanda, il a même le surnom, Monsieur 100 000. Monsieur 100 000? Oui. Et on l'appelle comme ça là-bas? Ouais, l'entend. C'est 100 000. En fait, là-bas, c'était le système. Que presque chaque semaine, on dit grand programme, il y a un événement. Donc, ça veut dire après semaine, on vous dépouille. Oui. Oui. Comme ça, c'est comme ça. Et Wanda, dis-nous ce qu'elle Wanda aussi. Donc, la société est vraiment engagée. Oui. Non, c'est toi qui dois raconter, tu es la capitaine. Oui. Oui. Wanda a aussi le système de la louange. Oui. Il vous embrouille avec la louange d'abord. Oui, oui, la louange, l'adoration. Et il s'est chanté avec la voix congolaise, en lingala. Toute l'église est en l'air. Rien que les chansons, je crois que ça produisait même ces miracles-là. Wanda, oui. Aussi, il était dans les histoires de Ibarra, tomber. Comme ça, là, les gens, bro, 100 000, les gens courent pour venir donner 100 000. Les gens courent. Lui, il ne montait pas au-delà de 100 000. Il allait, oui. Mais il commence par 100 000. En montant. Non, il pouvait descendre. Oui. Mais il dit d'abord 100 000, il aime toujours 100 000. Oui, c'est d'abord 100 000. Parce que c'est que là, au les moins. Les gens courent. Quand il dit par exemple, les 10 premières personnes qui se retrouveront sur l'hôtel avec ça, là, ça, tu vois, les gens se bousculent pour aller donner 100 000. Ça me pose problème. Et ces personnes qui viennent donner ça, c'est ma question. Se retrouvent dans l'un de tes prochains programmes avec d'autres personnes à cause de ce même problème et donnant le même argent. À répétition, le problème ne change pas. Quel est le problème au juste avec ces gens-là? Mais le problème, c'est quoi? Je t'ai expliqué. On te dit que non, problème, elle a foi. Un, le temps de Dieu. Tu souffres. La foi est mélangée avec de l'argent. Écoute, oui. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que je souffre. Oui. Je cherche une solution. Oui. Maintenant, je suis dans une atmosphère où on me vend. Des miroirs. On me vend de l'illusion. Oui. Alors, je suis capté par ça. Oui. J'ai espoir que. Avec les mots que ces gens-là sortent. Oui. J'espère que celui-ci, bon, peut-être que ça n'a pas marché là-bas, mais oui. Celui-ci, ça peut marcher. Oui. Je suis. Dans le même lieu. Oui, je suis envoûté par toute cette situation et je vois les miracles là-bas, J'ai mon problème que je dois solutionner. Donc, je suis. C'est un peu comme ça que je peux expliquer ça. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur avait inspiré cet enseignement sur, qui se trouve actuellement sur Bamba Eba. Là, c'est attention à l'apostasie et la séduction par les miracles. Ça, là, je n'ai pas encore suivi, mais je crois que je l'ai. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est, les gens remplissent, ne les emplissent pas là-bas. Ils continuent toujours à y aller, à chercher des miracles. On continue toujours depuis avec le même système. Oui. Et eux, ils savent ça. Puisque quand tu suis le témoignage de ce pasteur qui a vécu cette histoire, oui. il explique un certain nombre de choses. Oui. Il reçoit le pouvoir de la déesse des eaux là, oui. De telle sorte que quand il vient, il touche seulement une fille comme ça, là tu es parti. Oui. Tu n'as plus de pouvoir. Il a le contrôle sur toi. Donc, toi qui t'es posé la question que pourquoi en fait tu ne tombes pas, maintenant, avec le recul, tu rends plutôt grâce à Dieu pour, comme tu n'étais pas tombé. Bien sûr, puisque dans tous les cas, j'ai finalement compris que dans cette marmaille de personnes, il y a des personnes qui sont, les personnes qui tombent, c'est des personnes qui sont ouvertes à l'esprit. Ouvertes à l'esprit. Voilà. Leur volonté est vendue. Ouais, ouais, leur volonté est captivée. C'est eux qui peuvent en tomber. Mais ceux-là qui ont du recul, qui regardent la chose, l'esprit ne les touche pas de cette façon. Voilà, ne peut pas les toucher au point de les faire tomber. Moi, c'est mon analyse. Finalement, tellement il y avait les pasteurs qui venaient, les prophètes, il y avait une femme qui est venue de la Côte d'Ivoire. Oh là là. C'est alors là. Celle-là s'appelle qui aussi Maman Kofi. Maman Kofi. C'était le scandale. Là, elle voulait combien? Mais ça même elle plaisir. Aussi, l'argent, les gens s'alignaient pour donner l'argent. On l'appelait comme maman pasteur aussi. Maman Kofi. Oui. Non, mais elle est quoi comme titre? Elle est pasteur. Hein? Elle est pasteur. Oui, elle est pasteur. Elle là est également. La prophétesse. Oui, la prophétesse, maman. Racontez. Donc, ça passe au haut niveau. Oui, elle aussi, c'était toujours elle était, l'argent. Oui, oui, mais quand, elle avait aussi les miracles là. Elle était quand aussi tu dans viens, elle te dit que. Tout ça, et en pleine église. Elle m'a reçu même en apartheid aussi. Toi, au moins pour une fois là, tu as raconté ta part. Oui. Et ma soeur, vas-y, balance la sauce, ma soeur. Elle m'a reçu en apartheid. En pleine église, elle a dit quoi, ma soeur? En pleine église, elle a dit que le panier-ci, c'est là où vous mettez ce que moi je vous ai demandé. Là-bas, vous mettez autre chose, ce que vous voulez. Oui, parce que les partages... Entre eux, il y a la guerre. C'est pour dire devant la gens que ça, c'est pour moi. Mais voilà, la question que tu as posée tout à l'heure, frère. Oui. C'est à ce niveau, donc, que je me demande que mais c'est pas possible. Les gens sont en train de voir... Les femmes-là sont en train de se dévoiler devant un peuple. Oui. Et comment les gens... Elles s'engueulaient même déjà. L'autre dit que l'autre est venu dormir avec elle. La nuit qu'elle est lesbienne. Attendez, on va aller doucement là. La question que je te pose là, maintenant, moi je te pose la question. Comment elle est venue? On lui avait pas donné l'argent. Qui? Vous. Bon, non, elle on n'a pas donné de l'argent de manière pas ses appels. Oui, mais vous avez quand même donné l'argent. Oui, c'est-à-dire dans les offrandes. Dans les offrandes. Vous avez donné l'argent. Mais pas dans les histoires des appels. Là, vous étiez là. J'étais déjà vacciné. Et je combattais déjà pour lui dire que ici là on ne donne pas. Et là dans le panier de front vous avez mis à peu près combien? Là? Là dans le panier de front vous avez mis à peu près combien? Quelque chose, un sacrifice qui va vous faire quand même mal quand même. Non, son histoire de sacrifice, l'histoire de cette dame de sacrifice, c'est donc là où l'église même, c'est-à-dire beaucoup de gens sont réveillés par son histoire de sacrifice. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est venue avec des petits bouts de papier où elle a dit, Dieu a demandé, Dieu lui a dit, que les sacrifice gens, de bœuf. Les gens doivent donner des sacrifices. Oui. Et elle a donc spécifié que si moi, membre de cette église, je viens à l'église, je dois compter le nombre de mes frères qui sont des païens, qui ne sont pas chrétiens. Oui. Si j'ai 7 frères, alors le mouton ou bien le bœuf. Le bœuf coûte combien? On va dire 60 000. Oui. On va dire 200 000. Si c'est 200 000 par exemple, 7. Si j'ai 7 frères, je dois faire 200 000 fois 7. Oui. Pour donner pour eux. Oui. Pour que cela vienne à l'église. Soit délivré, puisque c'est, comme ils sont païens là, c'est même des gens qui sont en douté. Oui. Il faut les délivrer. Donc cette femme-là, il y avait le haut niveau de la sorte de l'escroquerie. Ouais. Elle s'appelle Kofi qui, en Côte d'Ivoire. Kofi, maman Kofi, Kofi qui a. Madeleine. Kofi Madeleine. Maman Kofi Madeleine. Oui. Et elle est encore en vie. Je ne l'en sais pas. Oui, allons-y avec ton histoire de bœufs et de moutons de 200 000 voix. Donc, elle a donc distribué ces papiers-là à tout le monde. Attends, les gens venaient prendre. Comment elle a fait pour distribuer à tout le monde? Et puisque là, dans sa prédication-là, elle prophétise que voici ce que Dieu a demandé. Et maintenant. Je ne sais pas s'il y avait des hôtesses là. Les poules. Il y avait les poules. Mais c'est bien sûr que les bœufs et les poules là sont convertis en CFA. Oui. En argent. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut évaluer le prix du poule. De la poule. Pour mettre dans l'enveloppe. Voilà. C'était une très bonne technique ça, n'est-ce pas, frère? Très superbe. Et dites-nous, quelle était la fin de. Expliquez son. La fin, donc, c'était que à cette séance là, quand j'ai vu ça, c'est là où moi j'ai dit que non, cette fois-ci vous avez fait fort. Vous n'avez pas pu observer votre papier à vous. Hein? Quand tu as compté le membre de la famille. Ça, non? Attends, quand tu as compté le membre de la famille, tu avais. Est-ce que tu as dit que tous les membres, tous les gens de l'Assemblée est là? Oui. Et là, il y avait donc des personnes qui refusaient carrément d'aller même dans ces histoires-là. Mm-hmm. Et là, puisqu'il y a toujours les pauvres dans l'église. Oui. Les pauvres. Ils sont frustrés. Mais ils sont frustrés. Mais le dimanche, ils s'arrangent à s'habiller bien pour qu'on puisse. Alors maintenant, allons-y. Et dans ton papier, il y avait quoi? Son papier, vous. Chez moi, c'était le beurre. On cible, on sait que voici même. Frère, dans cette dénomination, oui. Moi qui te parle. Ça ne sait pas comment encore déjà là. Plénitude de la grâce. Donc, ça, c'est la grâce qu'on fait là comme oui, ça. Oui, selon. On blague avec la grâce, ouais, la grâce est Dieu, source de salut pour tous les hommes. Moi qui te parle là, j'étais considéré comme le. C'est-à-dire qu'on me connaissait comme le finance. C'est-à-dire que. Un boss. Le boss. Mm-hmm. Donc, on te considérait là les dents. Ouais, j'avais à l'époque là la Hyundai blanche. Mm-hmm. Quand je débouche même avec cette Hyundai, non, tout le monde, c'est-à-dire que même les chrétiens là, mm-hmm. Ça ligne. Les pourquoi frères là, ou le frère, c'est-à-dire que j'étais considéré avec égard. Oui. Et tu avais ta place spéciale. Oui, place spéciale. J'étais même déjà, comment dire ça, proposé à devenir un prédicateur. Mais c'est que toi-même, tu devais prendre aussi le sacrifice des moutons ou des chèvres là, parce qu'on hein? on t'aurait déjà initié. Non. Non, les histoires de lesbiennes ont commencé en pleine église. Dans cette même séance de Sekofi et Madeleine là. Oui, les histoires de. Elles ont commencé les problèmes avec la femme qui est donc leader de l'église. La femme donc, dont vous avez dit son mari et apôtre. Mm-hmm. Oui, raconte-nous comment. Elle a commencé à dire. Non, attends, mettons un apôtre, on va finir ça avec le bœuf de ses frères-ci. Mm-hmm. Quand tu as reçu ton papier, c'était. Après le papier du bœuf là. Oui. J'étais déjà, moi je te dis, je te fais savoir que je ne, avec elle là, oui. Je ne m'entendais plus. Je disais que jusqu'à présent là, il faut vraiment que. On ouvre les yeux. Oui, tu prends vois que ici là, il n'y a pas 5 francs qu'on va donner à cette femme. Pourtant, après cette histoire, oui. C'est là où je l'ai donc rencontré. Là, cette femme là. Oui, cette femme là. Oui, tu vas nous dire, attends, tu vas nous dire comment tu as rencontré. Il dit, restons sur le résultat des bœufs. Tu puisses saisir les sacrifices. Oui. Tu as ton bœuf. On a écrit quoi sur le papier? Que pour toi c'est le bœuf. Oui. Maintenant, sur cette bœuf-ci. Je dois compter le nombre de, frères. De mes frères dans la famille. Oui, et tu as combien de frères par exemple? À l'époque même là, 10, je pouvais, oui, oui, je 10. Vois. Ouais, même 10. Et un bœuf c'est 200 000. 200 000. Ça te fait et combien? 2 millions. 2 millions. Voilà. Que tu devais mettre dans ces paniers. Oui, oui. Pour qu'on délivre toute ta famille. Oui, oui. Pour qu'on délivre tout le monde. Mais confie, ça ne va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Et une femme en plus. Tu ne peux même pas savoir. T'as dit, j'ai vécu des choses. Et elle marche avec les jeunes gars, voilà. qui font le bar. Qui font quoi? Qui restent au bar, qui boivent les bières. Mm-hmm. Il y a d'autres prophètes apôtres. Oui. Quand j'ai découvert qu'il y a ça. Donc les gens s'y prennent notre argent pour venir au bar. Au bar, c'est-à-dire qu'ils boivent, ils se moquent de vous. C'est pas possible. Venant de l'extérieur, ils viennent comme ça, ils viennent se jouer la vie. Ils prennent oui. Frère. Et ils vous ont vu comme ça, vous avez vu, ils ont reconnu. Oui. Ils t'ont reconnu. Oui. Oui, non. Mais qu'est-ce que même non, pas la c'est toutes ces choses donc que je disais même donc la à François que elle a fait aussi là. Elle bosse, elle t'a salué. Ouais. Ça c'était après que je sais plus si c'était à oui, c'était après que elle m'avait reçu. Oui, allons-y maintenant au niveau de la réception. Oh, la réception. Dans le collège comment on les appelle là? Les anciens des têtes de l'église. C'est-à-dire le comité d'organisation. D'organisation, oui. Il y avait donc, j'avais donc un frère oui. qui était communicateur de l'événement. Oui, il était le communicateur de la dénomination là. Oui. C'est lui donc qui, ayant constaté que j'étais considéré comme le financeur, elle était travaillée là-bas. Un jour, il est venu me dire que, frère, je ne peux pas te cacher. Voici ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que toutes ces histoires de fonds que tu vois là, oui, il se partage l'argent. Et il y a même des bagarres derrière. À cette question, donc, quand il me donne dans cette révélation, la question que je lui pose, c'était que, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais donc dans ce milieu? Oui. Parce qu'effectivement, c'est après cette révélation que moi j'ai donc dit à celle-ci que définitivement suis-moi. Oui. Si tu ne veux pas, reste, mais moi je ne suis plus là. Oui. Mais lui dit comme ça, il est communicateur. Et par contre, c'est lui qui vante les gens qui vont venir. C'est lui qui ouvre les trucs. C'est pour ça que, frère, jusqu'aujourd'hui, là, bon, c'est vrai, il est sorti. Oui. Il dénonce aussi plein de choses aujourd'hui. Oui. Mais il a été. Non, je ne sais même pas si c'est là où il a été. Ouais. Aujourd'hui, il est aussi pasteur. Oui. Mais je lui dis que, Seigneur, ta parole que tu annonces là, puisqu'il m'envoie toujours les petits trucs là. Oui. Quand moi je lis ta parole là, je vois qu'elle est vide. Oui. Elle ne porte pas la vie. Oui. Donc je ne peux pas suivre ça. Oui. Donc il n'a pas été nettoyé. Il n'est pas nettoyé. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que les choses qui se passent, les appels de fond qui se passent ici, quelles sont les choses qu'il t'a dit, puisqu'il était là-dedans, il était, comme il t'aimait. Il a dénoncé beaucoup de choses, parmi lesquelles le partage justement de ceux. Des fonds qu'on récolte là-bas. Oui, pour ce problème. Quand les pasteurs viennent comme ça là, après, quand il a suscité peut-être, je ne sais pas moi, 10 millions. 3 millions. Il a la quote-part qu'on lui donne et l'autre quote-part. Il se fixe d'abord le pourcentage au départ. Oui, ils se fixent ça au départ. Mmh. Que voilà comment ça va se passer et tout et tout. Mmh. C'est donc là où ça, il y a eu bruit entre cette prophétesse Kofi et la mère de la maison. Oui. Parce que selon. L'autre est venu. Quand la prophétesse peut-être a déjà eu. Ça compte que pas. Ça, non, quand ils se sont déjà entendus que peut-être tu auras 5%, oui. Elle ne s'imagine pas qu'elle va susciter peut-être 10 millions. Oui, elle prend 5%. Elle voit 5%. Alors qu'elle a suscité 10 millions, elle voit que c'est petit. Oui. Elle a donc commencé à vouloir renégocier son contrat là. Ça n'a pas donné. Ça a créé donc des situations. Pleine église, elle dit que non, venez mettre ma part ça ici. À l'hôtel. Il faut que je vois ce qui entre. Oui. Parce qu'elle ne faisait même plus confiance à. Alors, parce que quand on mettait comme ça là, on mélange, on ne sait pas. On vient lui donner en lui disant que voici les 5%, alors qu'elle ne sait pas combien le montant total. Oui, oui. Alors c'est pour ça qu'elle a donné que si vous voulez mettre quelque chose pour telle chose, mettez là-bas. Mettez là-bas, c'est pour moi. Ici. Ça, c'est pour moi. Oui. Et là, maintenant, il a mis la technique des bœufs. Voilà. Donc j'étais en train de dire, oui. Bon, parmi les relations du frère, il y a aussi des situations de sexe là, c'est-à-dire ces pasteurs qui prenaient des petites filles de les Freddy, qui des petites... Exactement comme le prophète de l'Opéra Nigeria qui est mort là, Nigeria, voilà. Mmh. Et l'un des prophètes même, une histoire terrible où un colonel l'a poursuivi avec l'arme. Oui. Voilà. Donc, poursuivi qui? Poursuivi un des prophètes. Des prophètes nigériens là? Non, pas nigériens, prophète, un Camerounais. Qui est dans cet endroit là. Oui. Parce qu'il a fait quoi? Il va engrosser, enfin, il a couché, je ne sais pas s'il a engrossé, mais il a couché une petite fille qui était donc la fille du colonel. Mm-hmm. Et le colonel, étant au courant, a donc fouillé pour dire que mais ça c'est dead. Il va le buter. Et ça fait toute une scène vraiment dans le truc. Mm. Maintenant, je demande donc, lui qui me donne donc toutes ces révélations, je lui demande donc, qu'est-ce que tu fais donc dans ce milieu? Moi, je crois qu'il faut partir de là. Oui. C'est pour ça, donc, après ça, moi, j'ai coupé mes pieds carrément. J'ai et dit que pour les femmes là, même alors, c'était un pas comme moi, devant tout le monde. Elle-même, les deux femmes là, c'est une femme. Elle n'a même pas, quand je dors, je viens trouver qu'elle est déjà sur moi. Elle vient dormir sur moi. Attends, qui parle comme ça? La mère de la maison. Qui dit que la celle qui a la plénitude de la grâce. Oui. Elle dit que la Kofi Madeleine, elle est lesbienne. Quand elles sont, par exemple, invitées quelque part pour aller prêcher ailleurs, elles prennent des chambres de l'hôtel. Oui, ensemble. Et l'autre dit donc, elle raconte donc, puisque c'était. Et ça, c'est en plein cul. En plein cul. Celle-là aussi, la Madeleine, elle a. Oui. Attends, je ne sais pas comment ça se passe. Non, Madeleine n'est pas là pour écouter ça. Oui. Donc c'est quand après la peur de fond là qui a débrouillé. Elle raconte ça quand Madeleine n'est pas là. Quand Madeleine vient aussi, elle raconte quand Momi n'est pas là. Alors commençons d'abord le bal au centre. Maintenant, Momi dit quoi de Madeleine Kofi de la Côte d'Ivoire? Elle est lesbienne, elle est venue coucher avec elle. Mmh. Oui, que bon, par exemple, les deux se retrouvent dans des chambres côte à côte. Elle est surprise que Madeleine vient dans sa chambre, elle cause 21h, 22h, 1h arrive, elle croit que Madeleine doit partir, Madeleine ne part pas dans sa chambre. Écoute-moi des histoires. Après, elle se surprend que Madeleine est couchée sur elle. Mmh. Que elle sait ça, c'est une femme de Dieu. Mais qui l'a invitée? C'est elle qui a invité, en vous annonçant par son communicateur qui est votre ami, qui est une grande femme de Dieu qui vient ici, que Dieu utilise puissamment. Que venez avec tous vos problèmes, n'est-ce pas, mon frère? Quand j'ai prêché, je dis que ça veut dire quoi? L'argent entre ici, on prend tout ça. Hein? C'est Madeleine qui se plaît maintenant comme ça. Oui. On ne donne pas l'argent, l'argent entre ici. Et quand ça fait comme ça, devant les spectateurs, devant les gens, les ouailles qui sont là-bas, les pauvres chrétiens. Bon, j'avoue que ça a cassé, ça fait partie de beaucoup de gens. Mmh. C'est-à-dire que quand. Je crois que c'est la confusion que Dieu. C'est Dieu qui avait mis la confusion à cette époque. Oui. Parce qu'à cette époque, ça balayait. Beaucoup de choses négatives se sont passées. Oui. Et ça a donc balayé beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes ont pris conscience et sont parties. Mmh. Elles sont parties. Oui. Bon, les envoûtés sont toujours restés. Les noyaux de la maison. La même femme qui accuse Madeleine de lesbianisme, elle aussi. Et on voit effectivement que Madeleine prend du poids, elle a des charges dans bon compte parce que l'argent, il faut qu'elle entre. Le Cameroun, elle ne veut même plus. Qui ça? Madeleine, Kofi Madeleine. Elle ne veut plus rentrer. Ouais. Quand elle a vu qu'il y avait l'argent ici. Bien sûr. Elle voyait que la plénitude, la grâce, mais comment? Il y a des gens. Le papa Demi a pris les dettes et les fidèles. Il y avait qui ça? Le Nigérien. Le Nigérien, il y avait une maman à l'église, elle n'avait pas beaucoup d'argent, son mari était malade. Oui. Je ne sais pas comment elle a fait. Oui. Elle a fait 10 000 ans convaincue de lui prêter 150. Elle a donné 150. Elle a dit qu'elle ne peut pas le laisser. Elle oui. va même amener la police chez oui. lui. Elle est partie le chercher à Mouyouka. Oui. Elle est partie chercher sa père. Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun. Oui. Puis il était à partir, il avait trop de avec son argent. Elle est allée le chercher, elle l'a trouvé. Elle a trouvé sa femme. Sa femme a dit qu'il est parti au Nigeria depuis, il n'est pas venu. Elle a dit à sa femme que non, si vous me payez pas mon argent, moi je vais vous mener la police ici. Oui. Vous allez me payer. Et finalement, la maman a supplié, elle a d'abord donné ses cannes. Oui. Elle a dit qu'elle va lui envoyer l'autre argent. Donc finalement, Adeyemi est finalement venu avec sa femme. Ils ont logé en avant. Donc ils ont vu que le territoire c'est vierge et c'est un endroit où ils produisent de l'argent. Et particulièrement la plénitude de la grâce. Plénitude de la grâce, c'est la source, la plateforme pour avoir la grâce. C'est le système là-bas. Nous, on ne savait pas. Mais avec le recul, maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant par rapport à ta façon de fonctionner là-dedans, puisque ton mari te disait n'est pas y aller. Qu'est-ce que tu peux dire que, qu'est-ce qui t'était vraiment à cœur d'y aller dépenser une, non, deux, trois, quatre, cinq fois? Moi, c'était vraiment avec la foi. J'ai dit que, ok, Dieu lui-même voit. Toute la bonne volonté, tout ce que comme Anne qui a fait le vœu, vraiment. Mais est-ce qu'Anne avait payé à Élie en prenant le cas d'Anne avec dans 1 Samuel chapitre 1 et 2? Est-ce qu'Anne avait payé quoi que ce soit dans le temple? Non, elle avait promis que l'enfant là ne sera pas son enfant. Non. Oui. Que dès qu'elle accouche l'enfant là, il va se. Mais est-ce qu'elle avait promis ça? Parce qu'on dit là-bas que vous faites des vœux avec les sacrifices. Mm-hmm. Est-ce que Anne avait donné un sacrifice à quelqu'un? Non. Donc moi, après j'ai compris que vraiment on n'est pas. Donc est-ce que tu peux regarder ton mari Manga en disant que chérie tu avais pleinement raison? Tu peux oui, le dire. Chérie, tu avais pleinement raison. Voilà. Maintenant, on va faire une représentation. Le monsieur va jouer le rôle de chaque pasteur qui a bouffé ton argent. D'accord. Si c'était Kamdem qui était devant toi maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Kamdem Dinodo qui a peut-être pris ton argent et t'a demandé 250 000 encore. En plus, il t'a dit que tu auras les jumeaux en donnant le nom et les enfants, en disant que c'était le jour de ce même mois-là. Ça fait plus de 8-9 ans aujourd'hui. Parle à Kamdem Dinodo qui t'écoute là maintenant. Dis-lui directement. Si c'est maintenant qu'il est en train de me demander l'argent là. Non, non. Après, avec le recul, 8 ans sont passés, 9 ans sont passés. Nous sommes dans la réalité, nous sommes en 2017. Un bébé qui oui. que je t'ai promis. Oui. Qu'est-ce que tu dis à Kamdem? Voici Kamdem. Tu joues toujours le rôle de Kamdem Dinodo, n'est-ce pas? Après, tu as joué le rôle de Yodemi à Yodemi. Non, c'est ça. C'est soit les démons. Moi, je joue le rôle. Ok, on va se le représenter. Qu'il est ici, d'accord? Parle-lui, voir. Non, lui dis quoi? Je vais lui dire. Dis-lui directement que Kamdem, dis-lui. Pasteur Kamdem général. Faux pasteur Kamdem. Général ou de Dieu ou bien général de quoi? Vraiment? Je suis déçu. Élève la voix comme ça, il entend bien que tu en donnes pas les fois. Tu utilises le nom de Dieu pour escroquer, pour mentir. Tu m'as menti. Oui. Mais moi, je te remets sur la table de justice de Dieu. Dieu lui-même, qui est le juste juge, il va te payer par rapport à ce que tu as fait. Oui. Moi, je te remets entre ses mains dans tout ce que tu as fait, ce que tu as bouffé, mon argent et bouffé l'argent de tout le monde, de ce que tu continues à faire. Allons-y, le monsieur qui t'a fait manger la Bible. Il a dit que à Jean, on a donné tout le rouleau d'avaler. À Ézéchiel, on a donné le rouleau d'avaler. Lui, il donne seulement une page. Il t'a fait jusqu'à boire l'eau. Pas là, Adéimi. Je t'ai respecté comme notre papa. Mais c'est tout le temps comme ça, là. Passe la Bible. Adéimi, c'était parce que ton mari a dit qu'il ne doit pas jouer le rôle des démons. Parle comme ça, là, oui. Allons-y. J'ai cru que tu es un vrai serviteur de Dieu. Et tout. J'ai cru en tout ce que tu faisais, mais j'ai compris que tu n'es qu'un farceur. Tu es venu faire le théâtre. L'escroquerie. Donc, ce que tu as fait, Dieu est témoin. Lui-même, il est juge entre toi et moi. Là, ton mari a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a dit. Il a dit quand cet acte-là s'est passé, il y avait l'euphorie dans l'église et il a levé la main dans le ciel. Il a dit que si c'est passé cet acte-ci, on va savoir qu'il est serviteur de Dieu. Oui. Il avait vraiment dit ça. Oui, il avait dit ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant? Tu peux lui rétorquer maintenant? Je vais lui dire que. Un prophète, quand un vrai prophète de Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. On a lu ça dans la Bible, plein d'histoires d'Élie, d'Élisée. Des anges même qui sont venus chez Abraham qui ont prophétisé tout. Donc, il faut arrêter d'utiliser le nom de Dieu pour escroquer les gens. Si on continue à aligner comme ça, on n'en finira pas ce soir. Donc, mieux, on va à la source. La source qui invite ces plateformes-là, c'est quoi? Tu appelles le nom. Plénitude de la grâce. Parle donc à ces responsables de plénitude de la grâce. Et donc, vous avez dit que les gens vous ont dit que derrière, ils font cela pour avoir de l'argent en se partageant. Parle-leur directement. Parce que à cause d'eux, qu'ils ont créé ces plateformes. Comment tu appelles cela tout à l'heure? La plateforme Apôtre Kébila. Qui? Apôtre Kébila. Oui. C'est le nom du mari. Oui. Et la femme, Madame Diosso Kébila. Dieu s'occupe, ils sont camerounais, ça. Oui, ils sont de. Momi, Madame Kébila. Oui. Parle-le fort, Dadine. Oui, Kébila. Kébila. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Oui. Parce que Dieu vous voit. Vous ne pourrez pas rester impuni tant que vous continuez à faire ça, à dépouiller le peuple de Dieu en détresse. Vous profitez de la détresse des gens. Pour les escroquer, pour les dépouiller. Dieu est là et Dieu va vous punir. Il faudrait mieux de se repentir. Il faut vous repentir et arrêter ça. Faire l'église normalement si vous voulez, mais arrêtez ce que vous faites là parce que la colère de Dieu va tomber. Dieu les a-t-il appelés à faire l'œuvre de Dieu? On ne peut pas savoir. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter à quiconque, à quelqu'un d'autre? Qui t'a encore énervé dans cette marche-là? Parle-lui. Je parle à tous ceux. Dans cette minute-là, Ayoub essayez de venir parce que vous avez parlé de Ayoub. Comment toi tu esclaves ce manque de work? Ils vous ont pris l'argent. Oui, il a pris beaucoup d'argent même. Qui, Ayoub? Ayoub, vraiment. Vous l'avez aussi rencontré aussi en aparté? Plusieurs fois. Je veux que vous racontez avant qu'on en finisse la conclusion. Parce que je me souviens bien que vous avez dit qu'il y a Ayoub, Kamdem et autres là-bas. Ayoub était le fils bien-aimé de la plénitude. De la plénitude de grâce internationale. Oui. Il était le fils bien-aimé, le fils spirituel. C'est-à-dire que c'était l'un des grands, les fils en vue là-bas, quoi. Oui. Mais il était là-bas à full gospel pour la pleine évangile. Oui. Il a fait comment pour se retrouver non, là-bas? On l'a copté ou quoi? Non, c'est que Kamdem avait même donné le témoignage que tous deux, il s'appelle c'est son frère jumeau. Ça, c'est mon frère jumeau. Et que tous deux étaient à full gospel. Là, Kamdem, vous parlez ça en confidence? En appartement bien en pleine église. Oui, à principe grâce là-bas. Oui. Puisqu'on organisait des soirées où les deux doivent prêcher. Oui. Oh, c'était du vélo. L'un vient panter l'autre. Oh là là. Raconte-nous. Le témoignage n'est pas encore fini là. J'ai compris que vous avez des choses dans vos ventres à parler. Allons-y, continuons. Mais il y a tellement de choses, frère. Vraiment, si on veut rentrer, on ne terminera pas. C'est-à-dire que c'est des choses qui de temps en temps, quand ça revient, aux Anna Night, il y avait je sais pas, c'était tous les mois. Les derniers vendredis du mois. Comme Non, c'est Ayouk qui organisait. Mais il pouvait appeler Kamdem. Ok. Je te jure que une soirée, c'est-à-dire que leur prédication, tu as vu, c'est là où j'ai compris le témoignage du Nigeria, là j'ai compris ce qui s'était passé. Moi-même, j'étais touché, j'étais flatté par leur spectacle. C'était du spectacle. Oui. Une prestation terrible. Mm. Je me rappelle encore, c'était l'évangile de Matthieu, l'histoire de l'âne. Non, de l'âne, oui. L'âne et l'âne. Son célèbre histoire qui raconte. Ah, ok. Mais Kamdem prend ça ici, là. Il prêche avec autorité. Il prêche, il arrête là. Pam! Ayouk prend à l'endroit où il s'est arrêté. Mmh. Il ramène en anglais, il arrête. C'est un spectacle terrible. Oui. Les gars, ils sont préparés. Oui. Quand à la fin, là, il demande les 500 000. Les gens... Là, tu ne t'es pas bien suivi. Hein? Là, ce soir-là, tu t'es bien... Non, j'étais ébloui vraiment par la prestation. Là, surtout que, bon, moi, la parole me... J'étais vraiment ébloui par cette parole. Bon, mais... Comme elle a dit, quand il fallait susciter les fonds là, nous on a, quand on dit 100 000, on sortait ça facilement. On faisait quand même les membres influents de l'église. Voilà, quand même. Voilà. C'est à ce titre que justement je donnais déjà, c'était même plus dans les. Voilà, on donne, on se dit que bon, on écoute la voix de Dieu, bon, il faut, on donne. Et en plus, on est face à des prophètes qui, voilà, on donne. Bon, c'est. Et donc, quelle est l'histoire que Kamdem a raconté avec Ayouk? Quelle est l'histoire? Vous parlez de son frère jumeau, quelque chose comme ça? Non, c'est-à-dire que il y avait donc. Le problème, c'était quoi? C'était que Kamdem avait. Ça, c'est ma lecture. Hein. Il avait ce petit complexe vis-à-vis de Ayouk. Parce que Ayouk, c'était man for puissance. L'homme de puissance. C'est-à-dire que quand il décide de sortir, c'est parler en langue, c'est le Zoulou qui sortait là. Il commence à faire les gnou-gnou-gnou. Il lance les chansons en nigérian. Je te dis que tu vois comment toute la salle est en émoi. Donc il était donc fort dans ce genre de choses. De telle sorte que quand il a fini de vous mettre dans des conditions, il suffit seulement qu'il lève sa main comme ça, là, tu vois comment tout un côté tombe. Et Kamdem n'aimait pas ça. Et Kamdem, tu vois un peu, Kamdem aimant le leadership, il aimait être le premier. Il voyait là que quelqu'un le déplaçait. Il voit donc que celui-ci, sur ce plan-ci, il me bat. Bon, mais Kamdem a donc de l'éloquence. Donc quand il entre dans la prédication, il va dans les machins, il entre, il connaît l'histoire biblique, il te sort, il vous balade un peu comme ça là. C'est donc là où il commence à s'enorgueillir lui-même, il dit non, c'est moi le premier pasteur dans cette nation. Et Ayou assis là. J'ai reçu du Seigneur que j'aurai le tout premier jet privé en tant que pasteur, c'est moi. Voilà. Et un pasteur qui dit que oui, j'ai reçu une vision où on me montrait que c'est toi qui auras. Tout le monde qui dit, je ne vous avais pas dit. Un spectacle terrible. Entre temps, qu'est-ce que Ayou fait? Non, Ayou, que lui, il est calme, il écoute. Bref, c'est les gens du même. Ils sont du même. Donc, quand l'autre fait son one man show, l'autre écoute seulement. Après, l'autre monte, va faire un autre. Le but, c'est de nous. C'est le but. C'est que vous inscrivez l'un, vous tombez dans l'autre. C'est entre c'est voilà. Les bonnets blancs-bonnets. Voilà. Et dans quelle occasion, donc, parce que vous avez créé au scandale, c'est qu'il vous a vraiment dépouillé. Ayouk, lui, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour prendre l'argent aussi? Et pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il était fils chéri de quoi? Plénitude. Pourquoi il est aussi parti de là? Si vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il est parti? Oui, il est parti. Mais bien que de rester, enfin, je ne sais pas, ça fait quand même beaucoup d'années aujourd'hui que nous ne maîtrisons plus ce qui se passe. Mais il était parti puisque actuellement, il a, voilà, il a son oui, il venait de temps en temps. Bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il vous a fait pour que tu crées un scandale tout à l'heure qui vous a vraiment traité aussi? Parce que chaque fois qu'il venait donc faire ces choses-là, il disait que vraiment, il faut toucher le cœur de Dieu. Et les anges sont venus ici avec la guérison, qui a un problème de santé. Utilisez votre foi. La femme qui avait la perte de sang a seulement touché le vêtement. Il faut venir donner. La femme, en prenant cet exemple de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, on avait dit qu'elle avait dépensé chez les médecins. Mais c'est Jésus, est-ce qu'elle a payé? Dans ce cas, pourquoi elle prend cet exemple-là? Elle dit qu'il faut donner, il faut donner. Oui, frère, il faut toucher. Je expliquer que à ce moment précis, n'est-ce pas, on n'avait pas encore, moi, j'avais pas encore cette connaissance jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez que toutes les histoires qu'ils prennent dans la Bible, quand ils vont tordre, ils vont parler de sémence, voilà, il n'y a jamais de sémence là dans la Bible, voilà. Mais eux, ils ajoutent là-dessus. Voilà, voilà. Aujourd'hui, avec les enseignements que je suis, tes enseignements, je vois vraiment comment ces gens-là tordent la parole de Dieu. Donc ils profitent parce qu'ils savent que la multitude ne connaissent pas la parole. Et là, comment tu as fait pour toucher le cœur de Dieu? Tu as touché à comment? Tu as fait comment? Quels sont les efforts que tu as fait pour toucher le cœur de Dieu? Toujours à lui. Nous étions, il avait, c'est Hosanna Night. Oui, dans les Hosanna Night. Hosanna Night. Là, on déplaçait dans la soirée de la plénitude, ça se déplaçait, ça allait au foyer Banjo. Ici à Yaoundé. Oui. Parce que la salle est plus grande ou quoi? Oui, parce que la salle est plus grande. Puisque ça fait le tapage, comme ils ont vu qu'à la plénitude, ça c'est plein jusqu'à les gens sont dehors. Donc, et ils ont résolu donc maintenant trouver un endroit plus vaste. Voilà, plus vaste. Pour cette soirée-là particulièrement. Ouais, vous en avez. Oui. Alors beaucoup de monde allait. Donc là où ils ont donc fait. Ils ont les jeunes du coup. Et les pauvres qui sont là-bas, comment ils font? Là où j'ai donc. Continue d'abord, qu'est-ce qu'il y a découvert? Là où j'ai donc découvert la supercherie de Ayouk, nous concernant. C'est donc, pendant que nous étions donc dans un Hosanna Night, je ne sais pas si c'est les esprits-là qui leur donnent un peu ces renseignements. Je ne sais pas si c'est parce que Momi, c'est-à-dire que les parents de la plénitude, connaissaient déjà notre histoire. Je ne sais pas. Mais dans son Ozananaï là, et moi ça là, ça m'avait énervé, puisque j'étais déjà un peu éveillé, Il annonce là que, il pointe Françoise, il dit que Dieu lui montre que elle veut voyager, elle veut voyager, mais il faut qu'elle annule son voyage là, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, du coup, il perçoit que, à cause du problème, on veut aller voir du côté de l'hôpital. Il voit que c'est un agent qui va partir. Qu'il faut s'aimer ça ici. Il faut s'aimer ça ici là. Voilà, il a annoncé que c'est quoi. Je sais plus qu'est-ce qu'il a même annoncé ce soir là. Que si vous faites un pas de foi, ça va marcher quoi. Non, par rapport à toujours des histoires de voyage ou peut-être par rapport à. Parce que j'ai eu aussi chez Papo, non. Papo Sanko qui? Pas pour celui qui est mort, le jeune qui est mort. Donc j'avais les nœuds, mon ventre était gros. Il avait convenu, il a dit que tu étais enceinte. Non, il a dit. Et comme on priait, ça n'allait pas. Je saignais beaucoup, j'étais toujours malade et tout. Donc à l'hôpital, on m'avait déjà dit qu'il faut opérer, il faut enlever. Et moi, je refusais. On m'avait déjà dit que si on n'enlève pas ça. Je vais faire une crise un jour où on sera seulement obligé d'enlever tout l'utérus et tout. Oui. Donc, je suis venu dire à l'église qu'on doit m'opérer. Papa l'a dit que jamais. C'est parce que Dieu a dit. On ne doit pas m'opérer. Je vais aller payer les 300 000, les 500 000 là-bas. Pourquoi? On ne va pas m'opérer. Donc, on a fait la Sainte-Seine. Le jour-là, on m'a mise au milieu. Je prenais même la Sainte-Seine là. Tout le monde a prié pour moi. Et il a dit que Dieu lui a dit que jamais on ne va pas m'opérer. Donc quand j'entrais à l'hôpital le lendemain, on m'a même mis la blouse verte pour me coucher sur la tête. J'étais convaincue que non. Qu'il y a un miracle qui va se produire et on ne va pas t'opérer. On ne va pas m'opérer. Et finalement, on t'a opéré. Le lendemain, après la Sainte-Seine, après t'es pris là. Malgré qu'il a dit que Dieu a dit cela. Mais quand vous êtes sorti de là, de l'opération, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Vous êtes encore là-bas. On continue à prier. On priait. Oui, là, tu as été désobéissante vis-à-vis de Dieu. Oui, je les ai déçus, ça c'est sûr. Parce que je n'ai pas voulu. Pour lui, son problème était donc que je m'avais payé l'argent là-bas, alors que je peux payer l'argent là ici. Et même à la clôture des prédications, on disait comme ça que vous préférez aller donner l'argent à l'hôpital, partout, partout, alors que si vous investissez dans la maison de Dieu, Dieu même est là, il voit et tout et tout. Donc c'était un peu ça pour amener les gens à cotiser, à donner l'argent, à donner, à donner. Au finish, vous faites seulement pour la plénitude, vous faites un récap. Combien à peu près vous avez versé là-bas? Beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En tant que financier. Oui, c'est beaucoup d'argent. On faisait quoi? On ça vous fait mal quand vous pensez à cela aujourd'hui? Oui. Bon, non, moi ça me fait plus mal. Ça me fait plus mal. Pourquoi? Parce que j'ai compris aujourd'hui que je connais un peu, comment je veux dire ça, c'est-à-dire que la finalité de l'argent, non? L'argent c'est un instrument que Dieu nous a donné pour nous aider. Oui. Bon, nous avons été floués, certes, mais ça nous a, moi, ça m'a bâti, ça m'a donné des leçons aujourd'hui. J'ai compris que, ok, ça m'a amené à découvrir un peu les faux prophètes. Oui. Il fallait que je passe par là. Pour comprendre que la Bible est vraie. Que la Bible est vraie. Voilà. Donc je ne regrette pas, je n'ai pas les mains coupées. Je ne regrette pas tout cet argent dépensé. Et toi, ma soeur? Non, moi, ça me choque un peu parce que ça a été dépensé dans la duperie. C'est-à-dire qu'on nous a trompé. Moi, j'aurais préféré, et c'est ça seulement qui me soulage, que quand moi, je donnais, je disais à Dieu que Seigneur, je suis en train de s'aimer dans ta maison. Ce n'est pas à un homme que je donne. Je suis en train de donner par ton, à travers ton nom. Oui. Par la mais à ce moment-là, tu ne savais pas que tu ne croyais pas qu'il était trompé. Non. C'est pour ça que je dis que je suis assez choquée que je découvre que c'était des menteurs et tout. Mais moi, ce qui me soulage par ailleurs est que, ok, moi je sais que je s'aimais dans la maison de Dieu. Je suis sûre que même s'ils ont mangé beaucoup, un peu, j'ai aussi, ça a aussi payé un peu, même là, une quittance d'électricité. Ça dans aussi la peut-être. Maison de Dieu. Oui. Mais c'est la maison de Dieu. Là. C'est au moins là. Puisqu'elle pensait que c'est la maison de Dieu. Ça a remplacé même un banc cassé et tout pour l'œuvre de Dieu. Non, il faut que dès aujourd'hui que tu comprennes que ce n'était pas l'œuvre de Dieu, puisque c'est le diable. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que tu as donné de l'argent pour l'œuvre du diable. Pour contribuer à l'œuvre du diable. Oui, oui. Ça c'est bien dit, ça frère, que Dieu te bénisse. Donc, malgré la bonne foi, malgré la bonne foi que faisait-il avec les orphelins, les veuves, les pauvres qui étaient au milieu de l'assemblée là, ceux-là? Oui, c'est vrai que c'était même triste. Elle avait un cœur. C'était triste. Je me posais la question. Elle qui avait peur, elle avait un cœur. C'est une dame. C'est la dame des. Il y a un de ses amis qui est. Il est notre ami, quoi. L'ami de votre mari. Oui, il est mécanicien. Donc, tous les jours, mon mari part prêcher. Quand il amène la voiture là-bas, on l'appelle là-bas pasteur. Il leur parle de Jésus, il leur parle de. On les a forcés, on les a obligés que non, venez à l'église. À la plénitude de la foi. Oui, à la plénitude. De la grâce, pardon. Ils sont venus, c'était bien comme là-bas, on s'est on a que toujours, oui, on fait les fêtes, les instruments, oui. Mais tu sais que les gens de l'Ouest avaient l'argent. C'est dur. Ils se réveillent plus vite que nous autres. Oui. Il s'est vite réveillé. Voilà, les premiers jours. Parce qu'il a fait le constat, un constat que moi j'étais là depuis, je n'ai pas pu faire. Et je me suis rendu compte que son constat était vraiment un constat réel. Oui. Parce qu'il a dit que, mais attends, quand on dit que. Venez donner l'argent. Alors, les riches, ou bien ceux qui sont un peu nantis là, ils vont, ils donnent, puisque les gens là avaient des techniques, 100 000. En descendant. Et ils se rendent compte que quand on donne ceux qui donnent les 100 000 là, lorsque les faux prophètes là, ou bien les faux pasteurs là prient, ils accentuent la prière. Oui. Ils remarquent donc que quand les montants descendent, les prières baissent. Les prières baissent. Et même il parle un peu de l'espace. Oui, de l'espace. Il dit que c'est un Dieu. Donc ça veut dire que la longueur des prières dépend de combien de pieds tu as, de ta vie. Exact. Ok. Et il m'a dit ça, ça m'a réveillé aussi. J'ai dit que mon petit, il a tant raison. Il était trop. Donc quand je dis 500 000, on prie, on dit oh chez toi. Oh là là, les langues même sortent à ce moment-là. On te bénit. Les langues sortent. Et attends, en quittant là-bas, tu sais que tu es. En te quittant, tu sais que tu es un premier. Que là, l'esprit a parlé. Quelqu'un qui t'en parle en 5 millions, on te dit que tu t'es béni, pas que tu te connais, on te touche comme ça. Oui, oui, tout et tout. Et quand il t'a dit ça? Donc quand il m'a dit ça, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé, j'ai dit non, il a quand même raison. Donc tu as vraiment raison. Bon, c'est après. Donc ceux qui n'avaient pas là à l'église, ils étaient frustrés. Vraiment, ça reste comme ça. Et là, tu voulais parler tout à l'heure de cœur, cette fois-là, par rapport aux pauvres et aux là. Qu'est-ce que tu voulais dire, ma chère? Elle repoussait dans les pauvres d'une manière. Oh là là. En fait, c'est que là où moi j'ai aussi été très choquée, c'est que quand on donne la. Parce que les gens murmuraient déjà. Oui. C'était trop. Chaque semaine, tel prophète, trois prophètes viennent même pas dit. Tout. L'une des choses, quand moi j'ai constaté toutes ces choses, je lui ai dit que. Sortons de ce milieu. Ce milieu n'est pas bon. Oui. Bon, elle a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle s'attache à des personnes. Quand elle était déjà dans son milieu où il y a des femmes et tout, des machins, c'était difficile pour elle maintenant de sortir. Elle est même dans des cotisations et tout et tout et tout. Cotisations dans ce milieu-là aussi. Oui, oui. Donc vous donnez à les femmes. Non, vous donnez aux femmes. Une famille de cotisations pour faire quoi? Vous donnez le budget. C'est encore une autre. Un autre. Les femmes. Moi, je suis donc sorti. Je n'y allais plus. Je lui ai dit que je ne pars plus là-bas. Comme toi, tu t'obstines à rester, ok, reste. Mais moi, alors, un jour, cette dame-là, elle décide donc de venir chez moi à Simalé. Oui. Elle-même est venue. Ouais, ok. Pour savoir pourquoi je ne viens plus à l'église. Oui. Quand elle est sortie, c'est là où j'ai donc dit. Ah non, mais comment tu peux dire qu'elle décide de venir et puis dire qu'elle est sortie? Tu ne dis pas ce qui s'est passé, comment, mon cher? Je ne comprends pas. Tu dis, elle a décidé de venir chez toi en Simalène. Mais savoir pourquoi je ne viens plus. Et subitement, tu dis que quand elle est sortie, c'est là où tu as décidé vraiment que tu ne viens plus. Qu'est-ce qu'elle est sortie de ma maison? Oui, mais elle est venue, non? Quand elle est venue, on a posé. Oui. Mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il me dit non, j'ai pris un moment de repos. Pourquoi tu ne lui as pas dit tout simplement la vérité? Que vous faites tout ce qui est faux? Pourquoi ne pas lui dire la vérité pour montrer que tu as découvert ça? J'avoue que, comme je t'ai dit, pendant toutes ces choses-là, je n'étais pas encore assis dans cette parole. Donc tu ne peux pas. Même comme je voyais déjà ça. Bon, je n'avais pas. Il n'y a pas de défendre l'écriture. Oui, oui, c'est-à-dire que. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que. Je n'avais pas la certitude que j'avais affaire aux démons, comme je considère aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Or, si ce que je connais aujourd'hui comme vérité, je l'avais à ce moment, j'allais lui dire que madame, sortez de ma maison. Oui. N'entrez même pas. Et quand elle a fini son jour. Quand elle a fini, j'étais donc convaincu. J'ai même dit à ma femme que tu vois, donc, jusqu'à ce qu'elle vienne jusqu'ici. Là. Mais elle ne peut pas le faire avec les pauvres. Oui, elle ne peut pas aller chez les pauvres. Ça là, ça me convainc donc que c'est mon agent. Bon, comme ta femme a fait tout à l'heure là, tu vas t'adresser à elle directement, elle, son mari, tous les autres Ayouk et tous les autres là. En fait, c'est toi qui connais les noms. Parle-leur directement comme ta femme a fait. Puisque tu as dit que si tu connaissais ce que tu connais maintenant, c'est que tu devais lui dire quatre mots. Dis-lui. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux leur dire tout simplement. Non, ne le dis pas. Dis-leur directement. Ne passe pas par. Passez direct. Elle se trouve là. Oui, à monsieur Kébila et à madame Kébila. Comme madame l'a dit précédemment, vraiment ce que vous avez eu à faire et ce que vous continuez de faire, vraiment tout ce que moi je peux vous demander, c'est de vous repentir. De vous repentir parce que Dieu est un Dieu de pardon. Il pardonne ceux qui reviennent à lui avec un cœur repentant. C'est ce que je peux vous demander. Et que si vous ne vous repentez pas vous-même, vous connaissez votre sort parce que vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc, c'est ce que moi je peux vous demander. Et je peux vous demander. Et M. Kébila et Mme Kébila et tout le reste qui sont dans cette histoire. Oui. Et que dit maintenant des fidèles maintenant qui sont là-bas? D'autres disent, ok, je m'avais seulement servi Dieu. Je ne vais pas savoir ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce que tu leur dis? Et les pauvres qui sont des gens qui, quand ils voient la foule, ils veulent y aller parce qu'ils croient que Dieu est là-bas. Oui, je regrette vraiment pour tous ceux-là qui se font appeler enfants de Dieu, chrétiens, sans véritablement comprendre ce que c'est. Moi, je dis vraiment à tous ceux-là, je vous exhorte justement de plonger votre regard dans la véritable parole de Dieu. Je crois qu'en lisant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut vous révéler la vérité qui sort de la Bible. À ce moment, vous n'allez plus tomber dans ces supercheries que font ces faux pasteurs. Voilà, c'est ce que si quelqu'un se trouve dans ce groupe-là que vous avez parlé, quel est le message clair pour eux? Si quelqu'un se trouve à l'intérieur maintenant, alors vous avez dit que ça c'est grand, c'est grandissant, et il y a les gens qui se trouvent là maintenant. Si quelqu'un se trouve là-dedans et nous écoute, quel est le message que tu peux leur dire directement? De manière directe, je dirais à tous ceux-là qui sont encore dans ce qu'il est temps pour eux de sortir, de sortir vraiment de ces milieux parce que justement, ils sont embrigadés et leur destinée, si jamais ils ne sortent pas, leur destinée c'est le feu de l'enfer. En tout cas, vous ne cesserez jamais de m'étonner avec vos histoires. Mais ceux qui sont là-bas, comment les dernières scènes que moi j'ai subies là-bas et qui m'ont vraiment choqué, c'est que la dame l'a montré. Comme les femmes parlaient déjà, mais beaucoup de gens parlaient déjà, n'étaient plus très contents de ce qui se passait. Ils parlaient de quoi? L'argent, on demande trop l'argent, l'argent. Donc, elle se met là-bas. Dans le groupe de femmes. Mais non, à l'église. Oui. Donc, elle se met là-bas en haut. Elle prêche bien. On est content. On chante, on danse, on fait les adorations, tout. Bien, c'est on sait ce qu'aime votre chien, vous satisfait bien. Ça. Maintenant, quand elle finit, elle dit de venir donner l'argent. Si elle voit que les gens ne se lèvent pas tout, elle dit que vous êtes assis là. Oui, vous êtes assis là comme ça. Restez avec votre incrédulité. La chucheté va vous tuer. vous ne voulez pas. Être béni. Oui, vous ne voulez pas. Après, vous allez ouvrir vos bouches. Depuis qu'elle a prié sur moi, je n'ai pas vu. Oui, quand tu restes comme ça, Dieu aussi est en train de voir la dureté de ton cœur. Tu refuses de donner l'argent. Quand on dit de venir donner l'argent, vous croyez que vos miettes là que vous apportez ici là, et ils sont pleins d'assemblées. Oui, voilà. Vous partez même, vous restez chez vous. C'est mon nom qui est devenu votre boss à dame. Quand vous mangez, c'est mon nom qui est devenu le saucisson. Vous parlez de mon nom. Vos miettes là que vous venez donner ici là, vous savez, vous pensez que c'est ça qui me fait quoi? Vous savez combien coûte ma chaussure? Quand mon mari voyage, comme il part en mission, quand il revient, je lui dis seulement que allez, mets ici. Et son il compte, il me donne beaucoup d'argent. Mais dans ce cas, pourquoi il demandait donc? Il me donne beaucoup d'argent. Quand vous dites de donner l'argent pour Dieu, pour vos problèmes, vous refusez de donner. Tout le monde applaudit, on crie. On applaudit malgré ça. Oui, on applaudit, on crie. Donc là, moi j'ai commencé à. Malgré qu'elle les insulte comme ça, ils applaudissent. Oui. Moi, j'ai commencé à être choquée que pourquoi la femme, si on était content, elle a bien prêché, on a crié amen, amen, tout, on était content, on a loué tout. Comment elle vient gâter là, en insultant les gens, en arguant les gens? Moi, quand je prends un gros 100 000, pour moi, c'est gros. Quand elle a dit que c'est les miettes qu'on vient donner, on a déjà donné beaucoup. Donc ça a commencé à tomber. Mais lui, il avait aussi un défaut. Il me disait que non, il ne faut pas murmurer, il ne faut rien dire. Parce que lui, il n'était pas d'accord avec des choses, mais il ne voulait pas qu'on en parle. Parce que quand moi aussi, j'essayais de lui dire que aujourd'hui, ceci s'est passé, aujourd'hui, il dit que non, c'est interdit, il ne faut pas murmurer contre les hommes de Dieu. Tu as vu ce qui s'est passé, même dans la Bible. Oui, avec Myriam et autres. Les Corées, tout ça. Donc, je pouvais même plus lui raconter qu'aujourd'hui, ceci s'est passé, ceci s'est dit, ceci, il va me dire que il ne faut pas murmurer. Et depuis ça, ce jour-là, maintenant, quand elle a dit ça, la femme l'a sorti de ton cœur. Oui, elle ne disait pas une seule fois. Elle disait ça, quand elle se met là-bas, elle insulte les gens. Et vous êtes là, vous n'avez pas d'enfant, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que vous n'ouvrez pas vos cœurs, vous ne voulez pas donner. Et ceci, cela, vous êtes là. Je dis que tu cherches le travail. Quand tu vas te donner le travail là, est-ce que tu vas venir donner l'argent à l'église? Et